disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative. Saison numéro 6, épisode 34. Alors messieurs, avant de commencer cette émission, je procède au rappel traditionnel de celle-ci avec une modification majeure. Et je demande à tous nos auditeurs de la noter avec... attention, notre nouvelle adresse email est la suivante, dempart@ctemplar.com. Donc je vais épeler ctemplar.com pour que les gens soient clairement informés de cette nouvelle adresse. Hein. Donc C comme Clotilde, T comme Tony, E comme Elodie, M comme Mathilde, P comme Pierre, L comme Laurent, A comme Alexis, n'est-ce pas, et R comme René.com. Donc ctemplar.com. Donc voilà l'adresse complète d'Empart, dempart@ctemplar.com. Évidemment aussi le forum, hein, elb.su, vous le connaissez, Europe Écologie Les Brins. Pour commenter l'actualité, n'hésitez pas à y aller. Je vais maintenant procéder à la présentation des membres. On va commencer avec Wittmann qui nous fait le plaisir de nous rejoindre après cette pause estivale. J'espère que tu vas bien, cher Wittmann. Je vais bien et j'espère que c'est pareil pour l'équipe et les auditeurs. Et bonjour à tous. Et aussi avec nous cette semaine, Hopman America. J'espère que tu vas bien, Hopman. Hopman va bien et son équipe favorite de Guingamp se porte aussi à merveille. En avant Guingamp. En avant les nègres. Est aussi avec nous cette semaine en Fulbert. En avant les nègres. Oui, en avant les nègres. Est aussi avec nous cette semaine Fulbert. Fulbert, j'espère que tu as la pêche autant que faire se peut. Mois de septembre, on arrive, on est en approche de l'automne. Hein. Ça y est, c'est une question de jour. Comment tu vas? Bah, Fulbert va bien. Je te remercie, Gandalf. Et bonjour à toi et bonjour à tous. Enfin, est avec nous cette semaine aussi Alexis, qui chaque semaine, ou en tout cas très souvent, nous apporte ses lumières sur la question sanitaire, un sujet qui intéresse tout particulièrement nos auditeurs, qui en souffrent malheureusement, mais c'est ainsi. J'espère que tu vas bien aussi, Alexis. Salut Gandalf, on va essayer de bien faire. Bonne émission à tous. Alors peut-être nous rejoindra-t-il plus tard dans l'émission le docteur Popopopopovic, nous verrons bien. Mais on va attaquer tout de suite cette émission, mais avant d'attaquer le vif du sujet, on va remercier quand même les donateurs. Alors, il y a eu un petit gap, on n'était pas là la semaine dernière. Merci à tous ceux qui nous soutiennent régulièrement, qui nous font des dons, grâce auxquels en fait, tout ça peut continuer, en dépit de la pression, en dépit aussi de la disparition régulière, des noms de domaine, etc., etc. Donc merci à eux qui ne se manifestent pas nécessairement. Vous savez que si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir par Monero, crypto-monnaie qui préserve l'anonymat du donateur comme de celui qui reçoit le don, ainsi que le montant du don. Référez-vous à cette crypto-monnaie, c'est une crypto-monnaie qui vraiment offre une très grande protection vis-à-vis de tous ceux qui nous souhaitent le plus grand bien, et vous les connaissez tous. Alors, premier don, alors je le lis, hein, bien sûr, il date de la semaine d'avant. Bonjour à tous, très content de vous voir sur C'est Templar. Je tiens à vous remercier pour l'énorme travail que vous effectuez. Je viens de vous faire un don de 0,93 Monero en espérant que ça vous aide. Alors ça nous aide, absolument. Cordialement, votre auditeur du CNRS. Et oui, oui, nous avons des auditeurs aussi au CNRS et qui, en tout cas, selon les départements concernés, est plus ou moins marxisé. Hein, mais il y a des... bon, la sociologie, on a quand même globalement abandonné hein, au CNRS. Hein, c'est le cœur nucléaire de ce qui se fait de pire à ce niveau-là. Mais pas tous, pas tous. Donc, notre auditeur du CNRS nous avait déjà écrit un courrier des auditeurs qu'on avait lu à l'antenne. Je me rappelle très très bien. Donc, merci à toi, cher auditeur. Don numéro 2, un peu plus long avec, comment dirais-je, un message adjoint. Alors, bonsoir, chers camarades. J'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, un énorme merci pour votre formidable travail. Vous suivant, depuis maintenant un petit moment, je prends enfin le temps de vous faire un don bien mérité de 0,35 Monero. J'en ferai régulièrement, vous le méritez, vous êtes un oasis dans le désert. On s'approche de la fin septembre. Les choses ont évolué à peu près comme on pouvait le prévoir. Les manifs ne changeront rien, les pays occidentaux rivalisent d'ingéniosité pour opprimer leur peuple, etc., etc. Je suis un heureux père d'une grande famille blanche à la campagne, indépendant et travaillant déjà sur notre résilience depuis environ 10 ans. Les problèmes n'ont pas commencé hier. Nous en convenons tous ici, il me semble, que ce n'est qu'une question de temps avant que la vaccination ne devienne réellement obligatoire. Sous peine de quoi ? Faites vos jeux. Camp de rééducation Cohen-19 avec injection forcée, séparation des membres de la famille, assignation à résidence, horde d'infirmières et de flics faisant de la vaccination de force, etc. Nous ne sommes aujourd'hui plus que 12 ou 13% d'adultes ayant encore le sang pur. Quand ce chiffre sera à quelques pourcents, ça deviendra la chasse à l'homme. Je pense qu'on est d'accord à nouveau. L'objectif est que 100% de la population ait son poison. Les occidentaux blancs, tout du moins. J'en viens à la question pour laquelle je n'arrive pas à trancher et souhaite vivement avoir votre avis. Que pensez-vous de l'option de payer pour un faux pass ? Pour plus ou moins 300 euros, on a un pass. Pour 6 mois, il faut donc s'attendre à devoir repasser à la caisse régulièrement. L'avantage que je vois est que l'on passe, du coup, sous les radars de l'État, qui va traquer jusqu'à la mort les derniers pourcents, et même à la campagne organisée, etc. Personne ne fait le poids. On ne peut pas combattre cet adversaire sur son terrain. Et sauf miracle, je ne vois pas de retournement de situation dans l'immédiat. Cela permet en quelque sorte un repli stratégique. Faire le dos rond. On joue la montre. Le temps gagné nous permet de continuer de se préparer. L'oppression va être de pire en pire, pour tous, de toute façon. Reste la question de la conscience. Pour moi, hors de question de profiter de se laisser passer ou de se laisser pisser pour aller au cinoche, resto ou autre. C'est boycott total. C'est juste pour passer sous les radars et gagner du temps. Par contre, on fait quand même le jeu de l'ennemi. Et c'est cela qui me dérange. Même si on n'a pas de Cohen liquide dans le sang, je préfère la mort que ça. Stratégiquement, je pense par ailleurs que pour nous tous, cela éviterait qu'on se fasse facilement repérer et éradiquer comme des punaises pendant que l'État est encore puissant. Quand ça sera le naufrage, là, on aura une chance. Question subsidiaire. Pensez-vous que cela puisse tenir comme ça pendant 10 ou 15 ans ? Ça serait vraiment la merde à vivre pour tous. Ou, comme je le pense, plutôt court terme, question de mois ou quelques années, 1-2 maximum, les effets de toutes ces injections créant des décès, handicaps massifs et finissant de détruire l'économie, le Great Reset financier via une cyberpandémie, etc., etc. Je m'arrête là, c'est déjà bien assez long. Votre avis éclairé m'intéresse beaucoup et je pense que beaucoup de nos camarades aussi. Bien amicalement, Paul, un fervent supporter de Guingamp. Alors, pas besoin de rajouter grand-chose, la question où les deux questions sont clairement formulées et articulées. Je remercie Paul d'abord de son don et de son soutien. Je le remercie aussi pour ses questions qui permettent effectivement de lever le voile sur un sujet discuté très abondamment en réalité dans ce qui est l'espèce de contre-société qui émerge progressivement face à ce nouveau système qu'on affronte, hein, que vous connaissez bien évidemment. Alors, bon, je vais donner la parole à nos intervenants qui ont sûrement sur tel ou tel point leur opinion à donner. Alors la question, voilà, ce qui l'intéresse, et il a donné une liste d'arguments pour, en faveur de cette option, c'est le faux pass sanitaire. Donc, vrai faux pass, fausse vaccination, je ne sais pas, hein, je ne connais pas les différentes modalités, mais vous avez compris l'idée. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Est-ce pertinent ou pas? Qui veut répondre en Oui, alors on voit que c'est quelqu'un d'abord qui a creusé tous les sujets importants, hein, l'autonomie depuis 10 ans et tout ça. Donc il se pose la question, évidemment, faut-il un pass sanitaire pour conserver sa position, conserver son emploi ou pouvoir accéder à certains lieux? Je pense que ça peut être intéressant pour 300-400 euros, surtout si c'est une personne qui gagne sa vie convenablement. Si ça permet de garder un emploi, je pense que ça c'est bien. Après, à l'avenir, évidemment. Je pense que les médecins qui auront accordé des passes sans avoir fait l'injection vont être évidemment... Alors, est-ce qu'ils seront trouvés? Je ne sais pas, puisque l'État n'est pas toujours capable de trouver les brebis galeuses. Mais il y a aussi la question de savoir comment repère-t-on les personnes faussement vaccinées. C'est-à-dire que, vous savez, là, il y a eu comme ça des discussions sur ce qu'il y avait dans les vaccins, est-ce qu'il y avait des nanoparticules de graphène qui permettaient d'être détectées de l'extérieur par des machines, etc. Et il y avait eu non seulement la discussion, pas sur des forums complotistes, mais sur des dans la presse du Golfe, Arabie Saoudite et tout ça, des Émirats Arabes Unis, une presse autorisée qui disait, bon ben voilà, là les gens sont contrôlés, ils passent aux importiques et puis ça sonne ou ça... Pour savoir s'ils sont vaccinés, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le papier ne suffit pas. Peut-être dans certains coins. Mais après, ça reste encore à confirmer. Donc, on va dire jusqu'à présent, peut-on de l'extérieur ou pas contrôler les gens? Mais c'est une bonne question. Moi, je dirais que s'il y a la possibilité de faire un pass, pourquoi pas? Puisque là, donc, les personnes qui ont 65 ans, on leur propose une troisième injection. Donc, pour les autres, ça viendra sans doute bientôt. Mais si ça permet de gagner 6 mois, pourquoi pas, je dirais. Moi, j'ai un point de vue quand même radicalement différent là-dessus. Déjà, il est évident que... alors, je suis d'accord, il le souligne, il le dit, voilà, la vaccination obligatoire approche, c'est inévitable. On va en reparler d'ailleurs au niveau européen dans la suite de l'émission. Donc... je suis d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, c'est ce qui s'annonce. Bien. Ils veulent vacciner le plus de gens possible, en fait, sans y recourir, pour pas qu'on... Vous savez, tout ça, c'est une question de semblant, d'image, de... C'est un petit peu un simulacre. Il faut entretenir l'idée de la liberté. Vous savez, ça, c'est le grand thème. C'est le point de focal de la critique contre tout ce qui se passe. Hein. C'est la question de la liberté, des libertés publiques et de la liberté individuelle. Des libertés anthropologiques. Hein. Et évidemment, le système ne veut pas totalement, tout de suite en tout cas, se discréditer tant qu'il doit amadouer les masses. Donc, il essaye, par la séduction, mais aussi quand même l'intimidation, hein, de parvenir au taux de vaccination qui l'intéresse. Mais il est tout à fait clair, tout à fait évident, et c'est ce qu'on voit en Italie, on va en reparler, que passer un certain seuil de vaccination dans la masse, le caractère coercitif va devenir beaucoup plus clair. Donc, il a raison de ce point de vue. Maintenant, ça appelle obligatoirement, hein, il ne faut pas se dire que les gens qui contrôlent l'État français, la bureaucratie française elle-même, soient totalement dénués de bon sens. Donc, ces gens-là s'attendent, bien évidemment, à ce qu'il y ait de la triche, de la contrefaçon, de la risquie. Ils ont déjà adopté une série de mesures pour lutter contre la fraude, hein. C'est déjà en place, et c'est en place depuis un petit moment déjà. Ceci étant dit, la technologie va faire son œuvre, hein, et ce qui paraît être une solution séduisante aujourd'hui sera probablement obsolète demain. C'est-à-dire qu'il va y avoir, inévitablement, des contrôles aléatoires pour vérifier que les gens sont vaccinés. C'est inévitable. Comment ? Eh bien, ça prendra sûrement la forme d'un test, comme les tests PCR par exemple, voilà, qui seront peut-être faits, tests qui seront peut-être faits par des infirmiers, des infirmières, peut-être par des docteurs. Et je crois, d'une manière générale, quand vous vous rendrez, pour une raison ou pour une autre, dans un établissement médical. Voilà. Est-ce que ce sera la pharmacie pour des besoins de médicaments ? Est-ce que ce sera parce que vous allez chez votre généraliste, pour une raison X ou Y, etc. ? On ne sait pas, mais on vous fera savoir que ces contrôles auront lieu de manière aléatoire et que, effectivement, les pharmaciens, les médecins généralistes, les infirmiers libéraux ou les médecins ou les infirmières des hôpitaux, des CHU, pourront vérifier que vous êtes bien vacciné. Ça va arriver très vite, si ce n'est même pas déjà le cas. Et il y aura une campagne d'information là-dessus pour bien vous faire comprendre qu'on ne peut pas y échapper. D'accord ? Donc, oui, c'est séduisant sur le papier de passer sous le radar, comme dit notre lecteur et notre auditeur. Mais je n'y crois pas. Et je crois qu'au bout d'un moment, malheureusement, et je sais que ça peut être un peu difficile à entendre, mais je crois qu'au bout d'un moment, il faut quand même assumer sa révolte. D'accord ? Alors, je ne dis pas qu'il faut rechercher l'affrontement gratuit en se mettant une cible sur la tête. Mais je crois que l'illusion, si vous voulez, de ménager la chèvre et le chou ne sera tout simplement plus possible parce que on rendra cette option tout simplement inaccessible aux gens. Donc je n'y crois pas, voilà, je vous le dis, je n'y crois pas. Là maintenant, il y a encore un certain flou artistique parce que somme toute, nous sommes encore même pas à un an de la campagne de vaccination. Elle a commencé au début de l'année 2021, vraiment à grande échelle. L'année n'est pas terminée, on est au mois de septembre. Bon, il y a encore quand même beaucoup de flou, ils essayent de piquer les gens sur la base du volontariat. Quand le système sera vraiment bien rodé, croyez-moi, il y aura de la vérification, ils vont se spécialiser, ils vont se donner les moyens et ils essaieront de traquer les gens qui ne sont pas vaccinés. Bien. Donc, pour toutes ces raisons, je ne crois pas à cette illusion. Séduisante, mais trompeuse. Alors, pour le moment, si certains ont pu gagner du temps comme ça, comme on l'a dit, tant mieux, mais ça n'est clairement pas, en tout cas de mon point de vue, une solution de long terme. C'est-à-dire que si on fait ce jeu pour temporiser, bah, au bout, le système va nous niquer. Mais après, moi je dirais, le faux pas, c'est pour les gens qui sont vraiment dans... Par exemple, les travailleurs dans le médical, etc., ou qui risquent de tout perdre, ça peut être une solution. Après, je vois que notre camarade est travailleur indépendant, donc je pense qu'il ne se demande pas à lui-même le pass sanitaire, mais moi j'attendrai encore de voir comment ça évolue pour son cas à lui. Quelqu'un d'autre ? Bah, je dois avouer que j'ai tenu un discours un peu différent, mais j'avoue que vous êtes plus convaincant dans votre analyse. Le souci, c'est que si on est amené à perdre son emploi pour non pass sanitaire, il faut réfléchir à changer sa vie, c'est-à-dire qu'il va falloir couper tous les coûts inutiles, il va falloir rentrer dans une forme de survie. Alors c'est là aussi où on se révèle en tant qu'être humain, hein, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mais après la question avec vivre peut-être avec les parents ou avec parce qu'après vous avez toutes les factures hein, de gaz etc factures qui ont tendance à beaucoup augmenter en plus. Donc les factures de gaz vont beaucoup augmenter dans les années qui viennent. Et les poux, hein, il va falloir gazer les poux. Et donc réfléchir à une autre économie de vie tout simplement. Ce qui est aussi intéressant, donc avec la dimension survivaliste, mais aussi la question qui se pose en filigrane, c'est pourra-t-on vivre véritablement dans un pays d'Europe de l'Ouest comme la France, ou faudra-t-il songer à vivre ailleurs ? Et ça, c'est peut-être une autre discussion. Oui. La question de la durée, alors, parce que c'est lié, pourquoi je chercherais finalement à me compliquer la vie un petit peu trop, alors que peut-être qu'en resquillant avec un faux passe, je peux gagner 6 mois, 1 an, passer entre les gouttes et tout redémarre comme avant, la vie d'avant. Et vous savez, il y a un piège peut-être qui existe pour les anti-vax, que nous sommes tous, qui est un peu le pendant du miroir aux alouettes qui prévaut chez les vax, c'est justement cette idée de retour à la vie d'avant. Alors, je veux ici quand même insister sur ce point. Je sais que ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est bien sûr mon opinion. Hein. Je ne suis pas Dieu le Père. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. J'exerce mon jugement face à la réalité qui est la nôtre. Mais je crois quand même pouvoir dire qu'il n'y aura pas de retour à la vie d'avant tout court. Donc, en se vaccinant ou en ne se vaccinant pas. C'est ça la mauvaise nouvelle, en fait. C'est qu'il n'y a pas de retour à la vie d'avant. Tout court. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Et on se dit que les tentatives de gagner du temps, même si elles sont totalement compréhensibles, parce que, dans l'immédiat, je risque d'aller licencier, comment je fais ? Il me faut une solution. C'est compréhensible, il n'y a pas de problème. Mais c'est une solution de court terme. Ce n'est pas une solution durable, c'est ça que je veux dire. Donc ça nécessite vraiment de penser son rapport à la présente situation. Alors, il y a des gens qui vont évidemment se perdre en discussion sur le domaine médical. Fausse piste. Le sujet n'est pas médical. Je l'ai dit ici dans l'émission depuis... J'ai presque envie de dire depuis toujours, même si on peut discuter hein, médicalement, on peut rentrer, il y a des arguments, hein, mais la motivation du système qui s'est lancé à corps perdu dans cette entreprise n'est pas médicale, n'est pas sanitaire, ce n'est pas une histoire de virus, ce n'est pas une catastrophe naturelle auquel le système réagit. C'est une stratégie de contrôle des masses. Et si le système a jugé nécessaire de recourir à ses extrémités pour contrôler les masses, contrôler les nations, en tout cas les nations occidentales, c'est parce qu'il a de très bonnes raisons de le faire, que j'ai exposé, que nous avons collectivement exposé ici dans l'émission au fil des mois, et depuis un an et demi que la situation présente prévaut. Donc il n'y a aucune raison que le système fasse marche arrière soudainement en disant « Ah oui, effectivement, on s'est trompé ». Non, mais rassurez-vous, pour des raisons médicales, justement. Hein. Mais le virus, en fait, n'est pas si dangereux, c'est bon, la vaccination a réussi, etc. Non, c'est pas le problème. Le problème n'est pas vaccinal. Le problème n'est pas viral. Le problème n'est pas sanitaire. D'accord ? La question est vraiment politique. C'est le tout pour le tout. C'est qui tout double de la part du système. Donc, quand on a ça, quand on sait qu'ils ne vont pas reculer, qui vont pas faire marche arrière, et certainement face à des manifestations. Et Dieu sait que je salue ceux qui se déplacent dans les manifestations, qui se sont déplacés dans les manifestations, qui ont bravé cette tyrannie. Il faut quand même avoir conscience que c'est pas ça qui va les faire reculer. Je vous le dis, hein, je sais que ça refroidit un peu les ardeurs, mais ils ne vont pas reculer devant des manifestations, je vous le dis tout de suite. D'accord ? Le système est sûr de sa force. Il a zombifié je ne sais combien de dizaines de millions de gens qui ne demandaient d'ailleurs qu'à se faire zombifier. Il a à sa botte une police, des magistrats, des médias. C'est la donne actuelle. Voilà. Bon. On rentre maintenant dans un paradigme où il s'agit de sauver sa peau quand même. Parce qu'à chaque fois qu'on se fait inoculer cette saloperie, on risque vraiment sa vie. Les gens vont dire « Oui, non, mais c'est infinitésimal, les effets secondaires, le truc... De... » Ah ben d'accord, hein, s'il y a des gens qui ont envie de jouer la roulette russe avec leur vie, c'est leur problème. Moi, ce que je sais, c'est que je le ferai jamais. Jamais je mettrai ma vie en danger parce que Macron, se prenant pour Dieu le Père, me dit que, voilà, pas du tout. Ni les médias, et encore moins si c'est sur ordre des Juifs. Donc, la chose est entendue pour ceux qui ont encore un instinct de survie... fonctionnel, nous n'avons pas envie de nous faire empoisonner. Et nous savons aussi que le système ne va pas faire marche arrière. Voilà, ça, c'est les deux données dont nous sommes sûrs. Nous ne voulons pas nous faire empoisonner et le système ne va pas faire marche arrière. Compte tenu de la coercition qui se met en place, ça veut dire que, comme l'a très bien dit Alexis, notre vie va changer. notre orientation de vie collective va changer. Ça va nous coûter. Ça va nous coûter. Vraiment. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, mais l'idée, si vous voulez, du faux pass sanitaire que notre auditeur, finalement, véhicule un petit peu, et, innocemment, je veux dire, de bonne foi, hein, mais la fausse idée qu'il véhicule, c'est « Ah, il y a quand même moyen de tourner autour de... » Non. Non. J'aimerais bien, mais non. Il n'y a pas moyen de tourner autour. Au mieux, si vous avez de la chance, vous gagnerez 6 mois, vous gagnerez 1 an. Tant mieux pour vous. Mais ça ne suffira pas. Donc, il vaut mieux se mettre dans une disposition mentale, psychologique, dirais-je, de rupture. Voilà. Alors, on peut s'organiser, hein, bien sûr, mais il ne faut pas se raconter tellement d'histoires. Et il y a des gens qui vont dire, ouais, bon, bah, si c'est ça, alors je vais me piquer. Ah oui, vous allez vous piquer avec un truc expérimental, vous ne savez pas ce que ça va donner à court terme, vous ne savez pas ce que ça va donner à moyen terme, vous ne savez pas ce que ça va donner à long terme. Et c'est pareil pour vos enfants. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. Non seulement en termes d'effets secondaires, mais aussi en termes de stratégie de vaccination, sur laquelle aussi on est revenu dans l'émission très, très, très souvent. Et ça, c'est juste l'aspect sanitaire. C'est même pas l'aspect politique, de contrôle de la population. Parce qu'on vous dit 3 doses, et ensuite 4 doses, et puis ensuite on va vous dire qu'il faut un traitement hebdomadaire. Hein, Bourla, le juif Bourla de Pfizer l'a déjà annoncé, hein, y a un traitement qui arrive. C'est-à-dire qu'en plus des piqûres, c'est traitement. Alors, la détection, pas la détection, enfin, bon, on rentre dans un système totalitaire. Moi, c'est ça que je veux expliquer d'abord et avant tout à tous nos auditeurs. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas passager, ce n'est pas un malentendu, c'est pas quelque chose dont on n'est pas sûr. Non, non, c'est très sûr. Les élites dirigeantes rompent le consensus, basculent dans un nouveau système. C'est un système qui est extrêmement coercitif, extrêmement brutal. Et c'est un système qu'on peut qualifier, pour faire une analogie, hein, un système à caractère communiste. D'accord ? Alors, communiste pour les pauvres, évidemment, oligarchique pour les riches qui contrôlent le système, hein, avec tout en haut, vous savez qui. Voilà, donc ça, c'est très clair. Bon. Donc, pas la peine de se raconter l'histoire. Pas la peine de se mentir, en fait. Voilà. Ça, c'est malheureusement la mauvaise nouvelle. Non, le printemps n'est pas au rendez-vous l'année prochaine, ni l'année d'après. Voilà. Ça va très mal se terminer. Ça va très très mal se terminer. Il y aura, au bout d'un moment, en fait, des troubles très importants. Mais voilà, il n'y a pas de solution miracle. Voilà. Il peut y avoir des arrangements ici ou là, on peut être plus ou moins fin. Mais non, ça ne va pas terminer dans 1 ou 2 ans. C'est pas vrai. De mon point de vue. Je pense aussi que ça ne va pas se terminer d'un coup de baguette magique. Il est peu probable que le gouvernement dise « Ok, vous avez fait les efforts pour les vaccins, le virus n'est plus dangereux, on arrête, on ouvre tout, plus de passe. » En tout cas, pour la France, ça ne se passera pas comme ça. On sait les forces qui pèsent sur la France. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi. Après, une remarque sur l'idée de temporalité. D'un côté, on dit « Oui, les libertés se réduisent, on a l'impression que le piège se referme sur nous. » Donc on est en train de, disons, gagner du temps n'a pas beaucoup de sens puisqu'on est en train de perdre nos libertés. Mais il y a un autre rapport que j'ai par rapport à la temporalité, c'est je pense personnellement qu'il y aura pas mal de gens qui se sont fait vacciner qui auront des soucis de santé dans les mois qui viennent, notamment les mois d'hiver. On verra ce qui va se passer, mais déjà pour l'été, là j'ai vu quelque chose passer, c'est un docteur, un certain Soulier, je crois, docteur Soulier, qui rapporte avec une discussion qu'il a eue avec de nombreux thanatopracteurs, vous savez, les gens qui s'occupent des cadavres pour retirer le sang qu'il y a dans le cadavre, le préparer, etc. Ils ont remarqué une surmortalité de 15% pendant l'été, globalement, et avec un certain nombre de gens assez jeunes qui décèdent et qui n'ont pas, lors des autres étés, qui n'ont pas l'habitude de décéder en si grand nombre. Dans quelle mesure peut-on attribuer ça au vaccin ? Pour l'instant, ça reste encore un peu flou, mais là, je crois que pendant l'hiver, on sait qu'il y a beaucoup de virus, beaucoup de saloperies qui circulent dans l'air. Si ce que l'on dit sur la coagulation forte du sang liée au vaccin se précise et tout ça, si le système immunitaire est bel et bien fragilisé plutôt que renforcé par le vaccin, je pense qu'on pourra déjà au printemps faire un bilan. C'est pas que je souhaite que les gens meurent, c'est pas du tout ça. Mais je veux dire, si biologiquement ça se passe comme ça, comme le dit par exemple le docteur Vernon Coleman, que les gens mourront assez souvent maintenant à partir de l'automne, Je crois que les choses vont pas en rester là, qu'il y a des gens qui vont demander des comptes. Ah bah oui, mais attendez, ma fille est morte, elle avait 15 ans. On a eu des cas comme ça, notamment une certaine maladie Mélanie Massip, 16 ans, qui est morte juste après son vaccin Pfizer, une autre fille de 15 ans, encore plus jeune, etc. Et si ça, ça se multiplie, là, vous aurez des gens qui vont, voilà, ils vont sortir dans la rue, ils vont récupérer la carabine, du grand-père et tout ça. Là, je pense qu'il y aura des choses qui vont se passer, qui vont, là, ce sera peut-être une nouvelle révolution. Alors, pour l'instant, on est dans la spéculation, mais je crois effectivement, on va pas retrouver la vie d'avant d'un coup de baguette magique, et c'est pas Macron ou Castex qui vont l'orchestrer comme tel. Non, pas du tout. Non, il faut... La vie, comme je dis, hein, la vie d'avant, que ce soit pour les anti-vax ou les vax, c'est une illusion. Hein. Je veux dire, le système a fait un choix conscient et il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, dites-vous bien cela. Le monde tel que nous l'avons connu est derrière nous. Ah, je sais que c'est dur à comprendre parce que, d'abord, on est en désaccord, on est contre. Et quand on est contre quelque chose, eh ben, on n'a pas tendance à vouloir l'accepter. Mais n'empêche que c'est notre réalité. Donc ce système-là, si vous voulez, puis c'est la coalition de tous les États occidentaux sous la coupe de cette oligarchie. Et c'est pas rien, ça. C'est pas rien. D'accord ? Donc c'est pas quelque chose dont vous pouvez vous débarrasser dans un pays et puis dans un autre. Alors après, il y a une hétérogénéité, ceci étant dit. Hein. Il y a des États qui ne suivent pas tout à fait. Il y a des États qui montent plus ou moins d'allant, etc. D'accord, c'est pas non plus une homogénéité planétaire. Hein. Attention, hein. On s'entend bien. Mais très visiblement, la France, l'Europe de l'Ouest d'une manière générale, et l'Amérique du Nord, mais singulièrement l'Europe occidentale, est à fond là-dedans. On est au cœur de la tyrannie. On est au cœur de ce nouveau système. Au cœur, absolument au cœur. Ah, ben ils nous font payer 2000 ans de souffrance qu'on leur a, voilà, 10 ans, hein, infligé, quoi. Donc, Non, il faut bien le mesurer. Donc c'est le retour à la normale, c'est pas pour l'année prochaine. Et en fait, dites-vous ça aussi à vous qui m'écoutez. Bien sûr, vous savez ce que c'est la vie d'avant. C'est-à-dire que c'est un sujet. Ah, la vie d'avant, etc. Mais au bout d'un moment, vous allez sonner comme un disque rayé. Pardonnez-moi de vous le dire. C'est-à-dire que vous serez des vieux cons, même si vous avez 25 ans. Pour anecdote, hein, vous savez, hein, l'âge moyen, évidemment, quand on était appelé au front en 1914-18, hein, 1916, 1917, c'était 20 ans. Bon, ben, en 1919, on était un ancien combattant de 21 ans. Oui, bon, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez parler d'un monde, même si vous avez 25 ans, qui n'existe plus, tout simplement. Vous avez grandi dans un monde qui n'existe plus. Et vous allez parler de ça à des gamins de 5, 6, 7 ans, c'est-à-dire qu'ils ne comprendront rien de ce que vous direz. C'est-à-dire que pour eux, le port du masque, c'est normal. Être fliqué en permanence par cette espèce d'énorme entité invisible, ça sera totalement normal. Alors vous dire, ah oui, mais avant, oui, avant. Mais pour eux, ça sera de la fiction. Ouais, et c'est déjà le cas d'un point de vue racial, LGBT et compagnie. La France dans laquelle nous vivons, c'est pas la France des années 80, c'est pas la France des années 60, c'est la France des années 40. C'est-à-dire que tous les gens qui ont France à ces périodes-là, dans laquelle on vit, n'a plus rien à voir avec eux, ce qu'ils ont connu. Et il y a eu un changement graduel, une détérioration voulue graduelle, une destruction programmée, qui fait que comme tu dis, hein, que les jeunes générations, un monde dans lequel les pénis ne tiennent pas dans la main, ils ne s'embrassent pas, ils ne se foutent pas des doigts dans le cul dans la rue, ils ne même pas ce que c'est, en fait. Imagine qu'aujourd'hui, dans les maternités et les écoles primaires françaises, tu as des petits musulmans de Somalie, hein, par exemple, qui grandissent, si tu veux, dans des communes. Et ces types-là, tu vois, ces petits musulmans, ils ont des gens qui portent des masques et il y a des applications, il y a les téléphones, si tu veux. Pour eux, ça c'est la France actuelle, hein, dans ces communes-là, c'est-à-dire tu as des petits Mohamed qui viennent de Somalie, ils sont entourés de gens qui portent des masques et qui sont aussi basanés qu'eux. Quel rapport avec la France, si tu veux, de 1914 ? C'est-à-dire que la transformation, la mutation est radicale, totale, dans ces zones-là, à tel point, si tu veux, que il y a plus qu'un truc qui existe, c'est la langue française. Et encore, elle est charcutée dans tous les sens, donc les types parlent en SMS, on comprend plus rien, espèce de sabir avec des mots du bled, on comprend plus rien. Donc le remplacement, le grand remplacement, il n'est pas simplement racial. Maintenant, il est carrément culturel et social. On ne parle plus du tout du même monde. Nous sommes, même dans cette émission, des vestiges du XXe siècle. À force des choses. Oui. Même si vous êtes né en 2005, vous êtes, à votre corps défendant, vous êtes des vestiges du XXe siècle. C'est-à-dire que vous avez déjà des réflexes culturels du monde d'avant. Le monde actuel qui est en train d'être forgé par l'oligarchie, qui est fait de métèques, hein, de pièces rapportées de partout sur Terre, reprogrammé par le féminisme, l'intersectionnalisme, enfin tous les trucs, voilà, et qu'on fait consommer à gogo du Nike, du Amazon, etc. Et ça, c'est la France actuelle, si vous voulez. Donc on est tous quelque part en trop, et c'est parachevé par ce système-là de contrôle absolu, sous prétexte de virus qui ne tue personne, hein, en fait, sauf quelques boomers, hein, visiblement, ça c'est une crise de civilisation, hein, les vieux boomers crèvent, qui l'eût cru. Voilà. Donc, non, il faut mesurer le changement. Et on ne veut pas de nous. Comprenez bien qu'on ne veut pas de nous. Le système ne veut pas de nous. C'est les témoins d'avant. Vous voyez, on est des témoins gênants quelque part. On est témoins gênants à faire disparaître. Tous collectivement. Pour des raisons raciales, des raisons mémorielles, des raisons culturelles. Voilà, on est en trop. Faut nous faire dégager et ils vont nous faire dégager. Enfin, en tout cas, si leur projet mais va. Mais il faut qu'on dégage, mais il faut pas que ça soit trop voyant non plus. Parce que j'ai vu un clip là qui m'a fait mourir de rire. Non, ça m'a pas fait rire en fait. J'ai envie plutôt de. Hein, voilà. D'une pétasse qui passe à la télé, je sais plus laquelle, avec un gras du cul là. Un mec qui doit être payé 15 000 balles à rien branler des journées. Donc, ce qu'on appelle un journaliste. Les deux étaient en train de se lamenter du fait qu'en Angleterre, il y a eu une quinzaine de musiciens, de baroque classique, bref, qui étaient virés, dont les contrats n'ont pas été renouvelés, parce qu'en fait, ils étaient blancs, et qu'il fallait que la diversité soit plus mise en valeur. Et moi, ce qui m'a fait, donc, guillemets, mourir de rire, c'est que, dans le même moment, c'est pour prouver à quel point ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité, ils sont vraiment dans l'idéologie, hein, le dogme le plus pur, dans une transcendance anti-blanche qui est incroyable. Ces mecs-là étaient, dans le même temps, capables de dire « Ah ouais, mais quand même, les mecs, ça fait 20 ans qu'ils bossent avec eux, gentil de les renvoyer parce qu'ils sont blancs. Oui, mais c'est vrai que de l'autre côté, bon, il faut quand même plus de diversité. Hein. » Et de là, la journaliste, la grosse pute, rajoute « Oui, parce que quand même, c'est pas bien de les virer, mais qui aurait envie de bosser dans une entreprise qui serait dirigée ou dans laquelle il n'y aurait qu'une majorité d'hommes blancs de 50 ans, cisgenre les membres de l'émission, les auditeurs. Bah non, mais en fait, bâti la situation européenne, en fait, c'est des hommes blancs cisgenres de plus de 50 ans en général. Bon, il y a quelques jeunes aussi qui ont contribué. Mais voilà, non, mais en fait, c'est ça. Dans ce type de reportage à la con, qui sont des publi-reportages, c'était chez Drahi, ça, probablement, chez BFM, hein, avec le gros Greg, ouais, avec le gros Greg Toussaint, là. Très gros, lui. Il est gros. Il mange bien, lui. Ouais. Pas de problème d'emploi, lui. Ah oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et le problème, c'est que ces pétasses-là, en fait, elles pensent qu'elles ont une invitation à la sauterie anti-blanche. T'as le droit de te faire violer, mais après, tu te fais égorger, quand même. C'est-à-dire que t'es quand même une pute blanche à la fin, tu vois. Et si jamais t'as des machins marrons qui pourraient te donner un pass, les femmes marrons vont s'assurer que tu passes à la caisse quand même. C'est-à-dire qu'il y aura quand même de la pression de la part des femmes basanées pour que tu te fasses égorger au même titre que les hommes blancs. Donc les pétasses blanches comme ça qui se réjouissent en se disant « Ah, en montant une coalition, je vais faire de la place. » Non, non, t'es juste une pute et tu te feras égorger au même titre que les autres parce que tu vois ton père est blanc et tu passeras à la caisse. Mais ça en dit long quand même sur ce genre de connasse blanche qui chante là-dessus. C'est-à-dire que les hommes de plus de 50 ans, blancs, hétérosexuels, c'est le portrait qu'elles en dessinent, là, c'est grosso modo le portrait de leur père. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, visiblement, elles ont un problème avec papa. Bon, bah, si elles ont un problème avec papa, qu'elles retournent à la maison, mais qu'elles nous fassent pas chier. Bon, mais vous savez très bien pourquoi on met des pétasses dans des écrans pour bavarder toute la journée. Le script est écrit par des juifs. Mais c'est vrai que les femmes blanches prennent un soin tout à fait particulier à répéter scrupuleusement ce que disent les maîtres juifs qui leur mettent des scripts sous le nez. Ça, c'est vrai qu'elles sont, elles sont plus studieuses de ce point de vue-là. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, moi, les femmes à la télévision, non. Tout simplement. Oui, puis moi j'ai envie de dire, la télévision, non, tout simplement. Oui, même aussi. Non, tout simplement aussi, oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Mais et bon, ton salon. Non, mais enfin, jouer les importantes, en fait, en sabotant la civilisation dont tu procèdes, ça mérite quand même au moins la charia, quoi, hein, je veux dire. Ça, c'est minimum, hein. Minimum syndical. Non, mais les talibans ont quelques très très bons points dans leur programme social. Hein. Eux, ils ont vraiment compris comment la boutique devait être tenue. Et là, moi, je leur tire mon chapeau, hein, parce que quand vous tenez pas les nanas, c'est ce que vous avez, quoi. Vous avez ça. Vous avez des femmes blanches qui disent « Ah ouais, c'est vrai qu'il y a quand même temps de mettre des nègres dans les compagnies de théâtre, parce que quand même, les salons blancs hein, !» C'est parce que le théâtre africain est tellement renommé hein, de par le monde, quand même, ce serait dommage de vous en priver. C'était quoi déjà le nom de l'autre salope là, du MEDEF? C'était les hommes blancs dans les entreprises. Elle était pas du MEDEF, c'était la connasse qui était à la tête d'Areva, qui a à la tête d'un scandale de corruption absolument énorme. Enfin, elle a coûté des milliards aux contribuables français, mais elle se porte très très bien. Hein, voilà. Comment elle s'appelle cette conne? C'est pas l'Auvergeon. Je rêve. Ouais, l'Auvergeon, voilà. Et... Ah oui, Anne l'Auvergeon. Voilà, il y a des carrières comme ça hein, qui ne s'expliquent pas trop. Voilà, ça coûte des milliards. Et ça appelle à nettoyer ethniquement les blancs, tout en étant une grosse connasse de blanche, bien établie quand même. Hein, voilà, hein. Et probablement, on ne fréquentant pas tellement le 93 entre nous. Ah, pas vraiment, non. Pas vraiment. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a vraiment définitivement red pill à l'époque, quand je suis passé donc du civic nationalism, tout simplement au racialisme, ou à la prise de conscience que non, les nègres et les bougnoules, les nouveaux, même s'ils aiment le saucisson et le pinard, c'est l'histoire de Haïti et la révolution de Haïti. Pour oui, t'en avais parlé, ouais. Ouais, j'en ai déjà parlé, mais c'est quelque chose qui m'avait choqué, moi, parce que les esclaves qui s'étaient enfuis, en fait, sont revenus en masse, et sous les yeux de l'armée espagnole de l'époque, avaient procédé au génocide des Français blancs installés sur place, et ils ne laissaient, en fait, en vie que les femmes qui acceptaient de se faire bourriquer par des négros. Ah bah c'est du classique ça, hein, anthropologiquement, classique. Et du coup, je me demande, tu vois, je me dis, est-ce que ces gonzesses-là savent qu'à un moment donné, leur prise de position politique, il va falloir qu'elles les assument. Donc j'ai envie de leur dire, si t'aimes pas te faire fourrer par quelque chose qui pue le feu et un QI de 80, il faudrait que tu te calmes un petit peu sur tes prises de position, pétasse. Non, mais je crois pas. Je crois qu'il y a une. Non, je crois que l'idée centrale de toutes ces femmes blanches qui appellent au grand remplacement et qui essayent de faire du pied à des mâles marrons, c'est en fait l'envie d'être violée par des mâles marrons. C'est ça l'inconscient qui prévaut chez ces gens-là. Hein. Enfin, ces femmes-là. Hein. C'est l'envie d'être violée par des mâles marrons. C'est ça le non-dit. Elles nous l'expliquent, elles nous disent, voilà, vous êtes en trop, vous, les hommes blancs, vous êtes en trop dans votre pays, dégagez, nous, on veut des mâles de couleur. C'est dommage, je suis jamais autorisé comme intervenant sur les grands plateaux français. J'aurais des choses à dire, hein, et à chaque fois, je croiserai une connasse de ce genre-là, je lui dis, mais écoute, chérie, t'as envie de te faire violer par des nègres, hein. Bah, assume-le, voilà, pas la peine de passer par la bande, voilà. Envie de te faire violer par des nègres, tu l'assumes. Voilà. Pas à peine de dire machin, truc, discrimination positive, le théâtre, et puis ensuite le ballet, puis l'opéra, et puis la littérature, et puis... Non. Voilà. Allons à l'essentiel, parlons franc. Hein. Évidemment, en fait, ce que... ça créerait un malaise. Nous dit ces gonzesses-là, c'est que collectivement, les blancs, on a perdu notre panache et de la cravache, quoi. C'est exactement ça, c'est aussi ça. C'est-à-dire que comme les mecs blancs sont des tocards, collectivement, qui refusent de d'affirmer leur droit de propriété sur les femmes blanches, parce que je sais pas quoi, le droit des femmes, genre, puisqu'ils sont pas racistes et antiféministes, eh ben, qu'est-ce qu'elles font, les gonzesses? Font rentrer l'invasion étrangère de mâles de couleur qui disent, mais nous, les femmes, on va les souquer, et les blancs, on va les liquider. Voilà, et les mecs, ils nous parlent clairement, enfin, sauf à être complètement sourds et aveugles. Mais moi, je comprends parfaitement le message que nous envoient tous ces envahisseurs, Hein, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté quant à ce qu'ils nous disent. Voilà. Et celui qui ne connecte, qui ne fait pas le lien, si tu veux, entre l'attitude des pétasses blanches émancipées qui appellent à l'invasion et l'attitude de l'envahisseur qui, lui, nous jure de nous exécuter, ben voilà, il faut être clair. Donc, non seulement il faut virer les étrangers, mais il faut gendarmer les femmes blanches qui font n'importe quoi. Et j'allais dire que pour virer les halogènes, il faut d'abord commencer à gendarmer les femmes blanches. Parce que si vous ne faites pas le ménage dans votre ménage, précisément, comment voulez-vous faire le ménage dans votre propre pays? Ça ne marchera pas. D'accord? Vous commencez par le petit avant de viser grand. Alors commencez déjà par faire le ménage dans votre propre ménage et on pourra commencer à envisager la fameuse remigration. Mais si vous dites aux pétasses qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, que le moindre nègre a le droit de se marier avec une blanche, ça c'est un truc ahurissant. Les nègres ont le droit de se marier avec des blanches en France. C'est ahurissant un truc comme ça, je veux dire. Bon, ben, ça se passe en France, c'est la règle. Bon. Mais un état comme ça doit être renversé. Absolument. Absolument. Là, il parle de mariage des PD, mais le mariage des PD, c'est infiniment moins grave que le mariage des blanches avec des nègres. Infiniment moins grave. Si on regarde le temps long de l'évolution, hein, si on raisonne en termes darwiniens, c'est infiniment moins grave. Les PD ne produisent pas, si vous voulez, de dégénérés. Alors, encore qu'aujourd'hui, avec l'adoption, ça devient possible. Ils vont produire des dégénérés en nombre limité. Il y en a quand même assez peu qui se marient. Enfin bon, c'est toujours de trop. Non, non, le vrai problème, c'est les blanches qui font n'importe quoi. Non, voilà, donc il faut être un peu sérieux et remettre de l'ordre. Mais visiblement, cette idée choque les progressistes de droite. Moi, je constate que la gauche est de moins en moins progressiste à mesure qu'elle se rapproche de l'islam. En revanche, la droite est de plus en plus progressiste, éloignant l'homme blanc de sa fonction naturelle de bâtisseur et de garant de l'ordre. Voilà. Alors non, voilà, moi je répète, première mission, ramener les femmes à la cuisine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Le Lebensborn ne sera pas. Bah, de toute façon, là je vois pas tellement d'appétit pour ça, mais je veux dire, non, mais faut arrêter. Évidemment. Bon, voilà, bon, ça c'est pour la séquence, mais voilà, on a discuté très largement. Je suis obligé d'enchaîner, hein, rubrique numéro 1 quand même, côté lecteur. Alors, qui est bien évidemment raccord avec tout ce qu'on vient de dire. Je vous le lis. Hein. Bonjour à toute l'équipe. Je suis un jeune homme ayant la vingtaine et quelque peu déboussolé. J'habite dans un des pires endroits d'Île-de-France, c'est dire, une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, dirigée par un maire issu du Bangladesh, oui, apparemment, qu'on a envie de gifler juste en regardant son portrait. Les Blancs ont tout simplement disparu. Je sors de chez moi, je croise des hordes de négresses avec leurs 5 ou 6 enfants, idem pour les voilés, mais plus aucun bébé blanc, c'est flippant. Quelques vieux blancs, mais ces boomers décadents ne feront rien pour nous. Ils fréquentent d'ailleurs assidûment la messe du dimanche, au sein de laquelle les fidèles sont à 95% des non-blancs, et dont les 4 prêtres sont libanais, sénégalais, espagnol et français gauchiste, ultra pro-immigration, parce que l'amour. Voilà pour le cadre de vie. Me concernant, je bosse en dépendant sur une activité qui ne m'assure pas revenu fixe chaque mois, mais je me fais payer quand j'ai achevé une certaine quantité de travail, par exemple au bout d'un mois et demi, ou même de 3 mois. Par contre, je reçois une somme intéressante quand je me fais payer. Donc en fait, quand il touche sa rémunération pour le travail effectué. L'avantage d'être indépendant, c'est que je n'ai pas à subir un chantage dégueulasse du genre « tu te fais empoisonner ou tu perds ton job sans rémunération ». Évidemment, référence au vaccin, vous l'avez compris. Je suis encore chez mes parents, car je n'ai pas le choix. Disons que le fait d'être hébergé me permet de mettre un peu d'argent de côté pour espérer un départ d'ici 6 mois. D'ici 6 mois, une nouvelle activité en tant qu'indépendant devrait venir se greffer à la première. La question qui se pose alors est la suivante. Que faire dans 6 mois? Évidemment, je cherche à partir et quitter cette ville. Hélas, ce n'est pas possible dans l'immédiat faute de moyens. Il me faut attendre minimum 6 mois et espérer que certaines conditions, notamment financières, soient réunies. Admettons qu'elles le soient. Où partir? C'est déjà énorme, mais malheureusement, pour l'heure, je suis prisonnier de la ville de Fou où j'habite. Dans 6 mois. Je devrais donc être un jeune travailleur indépendant avec son propre véhicule et avec un peu d'économie. Le problème numéro un que je pense rencontrer est le suivant. Travailleur indépendant présuppose de ne pas avoir de revenus fixes assurés par mois, comme je l'ai expliqué. Mon statut est quelque peu précaire, car celui qui m'emploie peut décider du jour au lendemain de cesser la collaboration. Pour trouver son propre appartement, les propriétaires aiment davantage les profils type CDI, avec un salaire tous les mois, ce qui n'est pas mon cas. Et je suis assez inquiet et j'ai peur que ça me bloque dans mes projets de départ. Et dernier point, pourrais-je encore partir librement ou bénéficier d'aide au logement en tant que non vacciné? Encore une incertitude. Au passage, chose importante, un camarade démocrate que j'ai rencontré à l'occasion d'une manif pourrait me former au combat, type boxe ou et survivalisme. Donc voilà, je suis un jeune blanc qui essaie de s'en sortir dans cet univers où tout est contre nous. J'ai besoin d'aide. Je fais face à trop d'incertitudes. Et le bon sens de Gandalf, de Captain America ou encore d'Alexis me serait profitable. J'aimerais avoir l'avis de l'ensemble de l'équipe, si c'est possible. Bien à vous, et désolé pour le pavé. Voilà, ça c'est signé par notre ami. Alors il n'y a pas de nom particulier, il y a une adresse email, mais il n'y a pas de nom particulier, mais c'est pas grave. Alors on va y répondre. Réaction à ce message, finalement, d'un jeune qui naît en banlieue parisienne. Enfin non, c'est plus que la banlieue parisienne, c'est l'Île-de-France en fait. Un sinistré totalement grand remplacé, il n'y a plus de blanc chez lui. Dans une ville dite de dizaines de milliers d'habitants, donc c'est effrayant vraiment. Il y a, c'est plus l'image d'Épinal. Imaginez que j'utilise cette expression quand même. L'image d'Épinal de la France avec des villes de 50 000 habitants dont la moitié est halogène. Non non, là, là c'est, il y a que des halogènes. Il y a plus de blanc. C'est vous êtes en Afrique quoi. Et alors il est jeune, il vit chez ses parents, mais il a déjà l'esprit d'initiative, il veut s'en sortir, il a une conscience raciale, et il se dit, voilà, bah, je fais quoi les gars, la dystopie sous Picouze, c'est pas tellement mon truc, vivre au milieu des sauvages, c'est pas tellement mon truc, qu'est-ce que vous avez à me conseiller dans 6 mois, parce qu'apparemment dans 6 mois il a visiblement un début d'option professionnelle. Alors moi j'ai des choses à dire bien sûr, mais probablement que nos participants ont aussi des trucs à dire, et bah, c'est l'occasion. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Faut pas être exactement dans la peau de ce jeune homme, savoir quelle est exactement sa branche, dans quelle mesure il pourrait trouver des clients à tel endroit plutôt qu'un autre endroit, pardon. C'est une solution qu'il n'évoque pas non plus, et que moi je verrais un petit peu, c'est essayer de réfléchir aussi à une expatriation dans un pays blanc européen. Il parle aussi de vouloir fonder un foyer blanc, bien sûr. Donc c'est une option que je n'écarterai pas à sa place, mais pour l'instant j'en dirai pas plus. Whitman? Bah, je pense que dans 6 mois, pour lui, le mieux c'est de partir, hein, soit à la campagne. Donc là, elle a cité la Bourgogne ou la Normandie. Moi, j'irai en Bourgogne parce que vous êtes plus à proximité d'autres pays européens, comme l'Allemagne, la Suisse, etc. Et comme l'a dit Alexis, pourquoi pas l'expatriation, hein, ça peut se tenter. Il sera autour d'une population qui, je pense, sera beaucoup moins gaullimisée que la population française. Voilà. Toi, tu es plutôt dans mode expatriation. On verra ce que Captain aura à dire. Pour ma part, alors, pour ce qui concerne la Bourgogne, oui, le projet n'est pas mort, bien au contraire, mais ce n'est pas un sujet dont on peut parler publiquement. C'est évident, il ne faut pas rester dans une telle jungle. C'est dangereux, c'est invivable. Ça nuit considérablement à votre équilibre psychique. Sans même s'en rendre compte d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en tant que notamment quotidiennement des races de merde, ça impacte dramatiquement en fait, votre équilibre mental. Hein. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est le cas. Donc en fait, déjà, il ne faut jamais être, il faut se mettre en situation de ne jamais être au contact avec des nègres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne jamais être en contact avec des races de merde. Donc ça, c'est tout ce qui est arabe, maghrébin, évidemment juif, ça va sans dire. Enfin, tout ça, c'est des gens, si vous voulez, ou des créatures qui rayonnent des énergies négatives et qui vous ruinent la journée comme ça, juste en les croisant, ça suffit, quoi. Donc en fait, vous ne devez pas être au contact de ces races de merde, tout simplement. Il faut mettre de l'espace entre eux et vous. Et il faut faire des choix radicaux, parce que la France est dans une situation radicale. Et évidemment, il y a la dimension sanitaire, mais il est évident que autant au plan sanitaire qu'au plan racial, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est la mise en place de cette dystopie dont on a parlé un petit peu avant au début de l'émission, dont on parle d'ailleurs constamment. Et vraiment, si vous voulez, si vous voulez y échapper, le premier endroit à fuir, c'est les grandes villes. Il n'y a pas d'alternative, si vous voulez. Vous ne pouvez pas rester dans une grande ville et espérer, oui, mais quand même, ça serait bien. Non, vous aurez ça. Vous aurez la pollution sanitaire, et même la tyrannie sanitaire, et la pollution raciale. Et même aussi, d'une certaine manière, la tyrannie raciale, parce que ces gens-là vous imposent leur mode de vie, vous imposent leurs agressions, vous imposent leur sabir. Enfin, c'est invivable, vraiment invivable. Donc, il ne faut pas rester au contact de ces gens. Donc, première chose à faire, quitter les grandes villes. Et quitter même les villes moyennes, en vérité. Et il faut être... Alors, vous allez me dire, c'est une logique de fuite. C'est pas tellement ça le problème, en fait. Mais au bout d'un moment, il y a une réalité démographique. Je veux dire, est-ce que ça vous viendrait à l'esprit d'aller vivre à Soweto ? Ou dans le Bronx ? Je veux dire, pas du tout. Donc, au bout d'un moment, si vous avez affaire à un bassin de peuplement ethniquement sinistré, c'est pas une question de fuite, de repli, ou je sais pas quoi. C'est simplement que vous pouvez pas vivre là-dedans. Ça, c'est une jungle raciale, vous pouvez pas vivre là-dedans. Et si vous, par miracle, vous arrivez, pensez à vos gamins futurs. Vous n'allez pas les plonger là-dedans. Enfin, vous seriez criminel de leur imposer ça. Donc, vous devez vous assurer de vivre dans un environnement qui est sain et d'offrir un environnement sain à vos enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre un espace considérable entre vous et les races de mer. Ça, c'est sur le principe. Mais la France est un très grand pays. C'est un très grand pays, la France. On a trop vite tendance à penser que notre environnement urbain immédiat, c'est toute la France. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas ce que vous voyez dans votre rue ou dans votre quartier qui résume toute la France. C'est pas du tout la réalité. La France est un très grand pays. Si vous voulez savoir où aller, vous prenez une carte de la densité française. Là, tu sais, la densité du nombre d'habitants par kilomètre carré. Regardez la carte de la densité. Et dans tous les grands espaces où il n'y a personne, bah, c'est là que vous allez aller de manière privilégiée. Alors vous allez me dire, ah bah ouais, d'accord, mais il y a les problèmes de trouver des médecins généralistes, des ophtalmos, des services divers et variés. C'est sûr, c'est certain, il y a des contraintes. C'est pas tout rose d'un côté ou tout noir de l'autre. On va croire que c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire qu'il y aura des gens tout roses d'un côté ou des gens tout noirs de l'autre. Mais, je veux dire, vous comprenez l'idée, quoi. C'est qu'il y a des contraintes, effectivement. Rompre avec cette jungle raciale apporte son lot de contraintes, c'est évident. C'est-à-dire que ça ne sera pas facile. Mais franchement, être au contact de la nature, d'une belle nature d'ailleurs. Vous voyez, vous allez choisir un endroit qui va vous plaire. Avec du patrimoine en plus, parce que la France est un pays au plan patrimonial, on n'y croit pas. Je veux dire, même des petits villages, ils ont un patrimoine considérable. Je pourrais m'étendre là-dessus, mais ce serait... C'est pas le moment maintenant, mais il y aurait... Dieu sait qu'il y a des choses à dire là-dessus. Donc, même dans des endroits qui vous paraissent provinciaux, quand vous venez d'une grande ville, de Paris surtout, ne vous dites pas qu'il n'y a rien. Vous allez pouvoir vous reconnecter avec vos ancêtres, la terre de vos ancêtres, vous ressourcez au contact de ces millénaires d'histoire. Ouais, ça, c'est important. La nature, ensuite. Les rivières, les forêts, les collines, voilà, l'espace. Pas être constamment comme des sardines. Ça, c'est la deuxième chose. Donc ça, c'est à votre portée de main et ça va vous régénérer au plan intérieur. Vous voyez, ça, c'est le plus important. Après, il y a des contraintes qu'il faut affronter. Trouver une compagne, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais il faut d'abord commencer par le commencement. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, comment voulez-vous trouver une nana qui vous plaise et qui va vous rendre heureux? Si vous n'êtes pas heureux pour commencer, comment croire qu'une femme va résoudre tous vos problèmes avec un coup de baguette magique? Ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord que votre vie soit bien ordonnée. Il faut déjà que dans votre tête, ce soit bien clair. Il faut que vous voyez tout clair dès le départ. Voilà. Donc, commencez par bien ordonner vos affaires. Par chez vous, tout de suite. Voilà. Donc, bon cadre de vie. Se rebrancher avec ses ancêtres. Se rebrancher avec la nature. Pas non plus aller se paumer très loin, je veux dire, voilà, loin de toute forme de civilisation, enfin, sauf si c'est un choix. Mais il ne faut pas s'imaginer aujourd'hui, je veux dire, qu'on est absolument éloigné de tout. Je veux dire, voilà, si vous êtes motorisé, voilà, vous pouvez mettre de la distance, pas trop de distance. Et ensuite, pour ce qui concerne, effectivement, la question de la... C'est encore une autre question qui est très réelle, mais là, ça serait probablement dévié un peu. Mais là, pour un jeune de 20 ans, moi je dis ça, pour un jeune de 20 ans, là, comme lui, qui est oppressé au contact de ces animaux, au contact de cet état enjuvé en phase terminale, c'est tout de suite de mettre de l'espace. Tout de suite de mettre de l'espace. De la nature, se reconnecter, retrouver son rythme intérieur, son rythme d'homme blanc intérieur, vous voyez. Et là, le rythme de croisière va se faire. On va se focaliser sur le boulot. Et quand le boulot est là, ensuite, je pense qu'après, beaucoup de choses seront bien en place pour la suite. Mais moi, là, si j'avais ce jeune-là en face de moi, tout de suite, là, je lui dis ça. Moi, je lui dis ce que je viens de vous dire, et avec plus que de l'insistance. Cher auditeur, déjà, t'as 20 ans. T'as 20 ans, tu penses bien. Et t'as 20 ans, t'as pas l'air... T'es pas con, du coup, puisque tu nous suis. Et en plus, tu travailles, et tu vas être indépendant. Donc, j'ai envie de te dire, à part ta situation géographique, que j'ai envie de te dire, positive un petit peu, si tu mets ton énergie à faire des choses positives, tu vas t'en sortir. Donc, moi j'ai plusieurs points à te poser, malheureusement, bon, tu ne pourras pas me répondre, mais la première que je me pose, quelle est ta relation avec tes parents? Parce que souvent, ça détermine pas mal la suite des événements. Et tu es très attaché à tes parents, tu t'entends très bien avec eux, alors c'est sûr que partir, c'est un petit peu un déchirement. Et c'est vrai que un déchirement que nous faisons tous individuellement et collectivement en France, hein, pour le travail, pour les études, et c'est ce qui me semble être aussi responsable de pas mal de problèmes que nous connaissons. Tu t'entends bien avec tes parents, c'est de voir si eux seraient dans la possibilité de déménager, et s'ils seraient partants pour éventuellement le faire. Pourquoi pas faire un projet, je sais pas. Hein, aller tous ensemble ailleurs, dans une région plus agricole, dans laquelle ils pourraient changer d'activité, devenir dépendants dans un secteur lié à l'écologie, à l'agriculture. Il y a des choses à voir. En France, on a beaucoup de patrimoine écologique et naturel. Ça, c'est une première chose. Si tu t'entends pas avec tes parents, que tu n'en as rien à faire, ou que je ne sais pas, pas envie, bon, à ce moment-là, tu pars tout seul, tu fais ton projet. T'as un véhicule. Bah écoute, oui, tu peux partir à gauche et à droite déjà, faire du repérage, voir comment sont les gens, comment sont les villes. Ça, c'est déjà pas mal. C'est une force, c'est-à-dire que tu peux aller, tu ne fais pas un projet que sur papier, tu fais dans ta tête et sur papier, tu as le projet, et puis ensuite, tu vas faire ton repérage. Ça, c'est extrêmement important. Tu ne dis pas quel genre de vie. Parce que c'est dommage, parce que un véhicule, ça peut être une Clio, comme ça peut être un boxeur, un camion de transport. Parce que si tu as un gros camion comme ça, et que tu peux te l'aménager, par exemple, faire, je sais pas, un espèce de mini camping-car, ça te permettrait aussi de justement d'aller prendre l'air, de voir ce qui se passe un peu à gauche et à droite, de moins te mettre la pression en te disant que de toute façon, tu as ton véhicule et t'es pas à la rue, quoi, si jamais il se passe quoi que ce soit. Mais j'ai pas l'impression que ça soit actuel. Ensuite, vis-à-vis de trouver un loyer, un logement. Tu es indépendant, tu n'as pas de rentrée régulière. Mais sache qu'en France, il y a des organismes qui permettent de couvrir normalement sur une situation. Alors tu as le 1% patronat, mais ça te concerne pas. Mais tu as aussi je sais plus comment ça s'appelle, tu as des fonds spéciaux qui permettent aux gens qui n'ont pas de garant, par exemple, de postuler dans les agences pour un logement, en fait. Alors, c'est évident que ton dossier ne sera pas prioritaire si tu passes dans les agences, sachant que ce sont des putes, tenues par des putes, mais ça existe. En revanche, ce que tu pourrais faire, c'est si tu cherches un logement ailleurs et que tu sais que tu n'as pas de revenus réguliers, tu peux très bien dire à un propriétaire il loue de particulier à particulier, tu peux lui dire, voilà, je suis indépendant, je n'ai pas de fiche de paie, en revanche, quand je travaille, la rentrée tous les 3 mois, moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner, là, d'emblée, 6 mois de loyer. Voilà, le mec, tu lui dis, c'est 6 mois de loyer, et puis après, vous inquiétez pas, je paye, et puis de toute façon, bon, voilà. Après, je sais pas, je connais pas exactement la situation, mais en France, les gens s'inquiètent pour rien, parce que de toute façon, même si tu es au chômage, que tu perds ton emploi, t'as pas zéro. Donc ton loyer, ça, il continue d'être payé. Attention, ça. Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire jusqu'à présent. Maintenant, effectivement, tu soulèves une question qui est importante, c'est à savoir comment ça va se dérouler avec la fausse crise, enfin avec la crise de contrôle, en fait, la prise de contrôle des globaux homosexuels, juifs sur nos sociétés. Ça, c'est une question auxquelles on ne peut pas répondre. Nous, on a des idées, on sait un peu, on pense savoir vers où ça va, mais on ne peut pas être sûr. On n'est pas Madame Irma, quoi. On n'est pas des voyantes avec des boules de cristal. Donc, oui, tu veux dire quelque chose ? Oui, on n'est pas des voyants, certainement, mais on a quand même, je pense, un instinct assez sûr. Je crois en fait que par rapport à notre jeune ami, hein, à la vingtaine, chez ses parents, environnement racialement sinistré, l'ambiance sanitaire que nous connaissons, il a envie profondément, je crois, de respirer. Il a besoin de liberté en fait, ce jeune homme-là. Ouais. C'est ça. Mais... Simplement. Souvent. Quand on est comme ça dans une quête, c'est-à-dire qu'on a une aspiration intérieure, mais on l'articule pas bien, on se la représente pas bien, on sent juste que ça va pas. Ouais, c'est ça. En fait, le malaise est présent, mais on se représente pas l'alternative. On n'arrive pas à se la mettre bien en tête. On n'a pas les pistes. Et du coup, on essaye de bricoler. On se dit oh là, ça va pas ici. Il faut absolument que je parte et tout. Il faut que je parte. Ouais, il faut que je parte. Et là, on va essayer de prendre une liane qui va nous amener un peu plus loin. Ou voilà. Mais il n'y a pas de stratégie. Alors, là, il y a l'écueil, en fait, d'avoir trop de stratégie, c'est-à-dire d'avoir un plan trop sophistiqué et qui ne peut pas être mis en œuvre tout de suite, ou trop de tactique, c'est-à-dire qu'on fait du court terme, et en fait, il n'y a pas de grand plan, il n'y a pas de grande ligne conductrice, et on ne sort pas vraiment de sa mélasse, en fait. Je crois que ce que je dirais à notre jeune ami, quand je lui dis ça, voilà, qui a besoin de se reconnecter, en parlant de liberté, justement, et de retrouver ses racines aussi, en sortant de cet environnement toxique, je crois que d'abord, ce qu'il doit faire, dans son esprit, c'est avoir une vision vraiment bien claire de ce qu'il aimerait, idéalement, pour lui. C'est-à-dire que j'aimerais vivre où ? Quand je me pose la question, c'est-à-dire, si je pouvais choisir, j'aimerais vivre dans quelle maison, quel paysage me plairait, tiens, si je devais avoir des voisins, pas de voisins, etc. Tiens, si j'étais proche d'un village ou d'un quartier, se représenter ça déjà, avoir une vision à peu près claire de ce qu'on est, de là où on aimerait vivre. Et quand on a ça déjà en tête, on se dit, ah voilà, ça me plairait ça. J'aimerais bien vivre comme ça. Il y a des trucs assez anecdotiques, hein, mais est-ce que j'ai envie de vivre dans de la vieille pierre, par exemple ? Est-ce que je veux une cheminée ? Ça paraît con, une cheminée. Mais quand on a une cheminée, on va casser du bois, généralement. Bon, bah là, on a envie de se démerder pour avoir du bois. Vous voyez, voilà ce genre de truc. Mais quand on a ces représentations en tête, on se dit, tiens, là, je vais aller plutôt vers là. Vous voyez, je vais chercher quelque chose comme ça. Un cadre de vie plutôt comme ça. Et quand tout ça se clarifie progressivement, on dit, tiens, oui, j'aimerais plutôt aller vers ça, les vallons, les trucs. Et là, ensuite, sur Internet, on se met à fouiner. Et ensuite, on va rentrer, je sais pas, dans une région. On en promeut une, hein, bon, bien sûr, mais peu importe. On va aller vers un terroir, et ensuite vers une histoire, etc. Voilà. Et on va s'inscrire dans quelque chose, et on va se donner les moyens d'aller vers ce quelque chose. Mais si on est trop... au jour le jour, on risque de ne pas se sortir de sa mélasse. C'est-à-dire qu'on va bouger de 15 km et en fait, on fait face à grosso modo plus ou moins les mêmes problèmes, un peu moins, un peu plus. Mais je crois qu'il faut une rupture. Voilà, il faut une rupture, mais avant de rompre, il faut cette représentation dans sa tête, même cette inspiration, on va dire cette inspiration. Ça, c'est pas clair, c'est pas au cordeau, mais une inspiration. Il y a peut-être des gens qui vont dire, non, moi je veux être en bord de mer, par exemple, ou je veux la montagne, voyez. Mais il faut bien cette image marquante en tête, et quand on a cette image marquante en tête, déjà du cadre, mer, montagne, vallée et forêt et rivière, là on va vers ça. Ah bah je crois que ce qu'il veut, c'est clair, il veut vivre entre blancs, quoi. Ça, déjà, c'est oui, tout à fait. Directrice. Tout à fait. C'est une ligne directrice tout à fait claire, absolument. Et ça, pour le faire, ne nous mentons pas. Hein, ça ne peut pas se faire dans des grandes agglomérations, ni moyennes d'ailleurs, ni même en fait en zone pavillonnaire. Ça peut, hein, attention, hein, y a des zones pavillonnaires qui sont totalement blanches, hein, bien sûr. Mais disons que je pense que là, il y a une soif de réalisation. Chez ce jeune homme, pardonnez-moi. Et moi, je dis qu'il faut y aller. Surtout qu'il est indépendant. Ça, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui est indépendant. Il travaille tout seul déjà. Vous voyez, 20 ans, indépendant. Ça, c'est quelqu'un qui cherche, il veut. Ça, c'est quelqu'un qui va trouver son trou. Il va faire son trou, lui. Pour finir, ce que je voulais dire, parce que tu parles, l'auditeur nous parle aussi d'autre chose. Il nous parle de trouver une femme. Et ça, c'est plutôt compliqué. Non, c'est moi qui ai mis ça sur le tapis. C'est moi qui ai mis ça sur le tapis. T'es sûr qu'il en a pas parlé dans la lettre? Non, enfin ça va se poser fatalement. Hein. Ah ok. Je crois que c'est mentionné dans le courrier. Ouais, ah oui, mentionné. Mais bon, de toute façon, il y a quelque chose. Que ce soit les amis, la conjointe, compagnie, c'est le réseau. Et le réseau, tu le feras en fait lorsque tu auras posé tes valises ou quand tu seras en déplacement. Parce que imaginons, je reprends l'exemple du véhicule, tu as envie de bouger, tu sais pas quoi faire, ton activité n'est pas liée à ton emplacement géographique. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un véhicule dans lequel tu irais faire un tour de France, hein, tu te promènes, tu vas faire par exemple des chantiers de restauration du patrimoine. Tu vas faire ensuite, je sais pas, quelque chose dans la musique, dans la culture. Il y a beaucoup d'associations en France qui sont beaucoup, qui sont enracinées géographiquement et même d'un point de vue de l'histoire. Tu as des petits villages, par exemple, qui vont retaper leurs murailles médiévales, genre de choses, avec des assauts de bénévoles, de volontaires. Je trouve ça super intéressant. Et moi, je pense que tu... En fait, ton réseau, tu ne peux le faire qu'en en étant positif, en envers autrui. Donc, fatalement, t'es jeune, t'es indépendant, tu as envie de réussir, tu sais que t'as pas envie de vivre entouré d'halogènes. Il faut que tu t'inscrives ensuite, alors comme disait Gandalf, dans une grande démarche, donc voir sur le long terme, mais aussi on va dire, pour rigoler, il y a le grand djihad et le petit djihad. Ah, okay. Donc, grand djihad, ça va être ta démarche sur le long terme, et là, petit à petit, au jour le jour, plutôt, hein, je parle en semaine ou en mois, tu peux aussi faire des rencontres sur des réseaux, créer du réseau. Et comme je disais, si tu bouges, si tu n'es pas lié géographiquement quelque part, tu peux essayer de voir qu'est-ce qui va te plaire le plus. Juste, ça te permet de te confronter à la différente réalité et puis à voir ce que tu veux. Mais après, c'est... Et puis oui, le combat, le survivalisme, tant que tu as des opportunités, prends-les. C'est-à-dire, si tu as un pote à rien qui te... je peux t'apprendre des choses, oui vas-y, fais, apprends. Bon, ça sera jamais du temps perdu en fait. Le temps perdu, c'est le temps qu'on passe à faire des choses qui n'ont que peu d'intérêt en fait. Par exemple, je sais pas si tu passais des journées entières à regarder, t'aurais juste un juif qui serait en train de te cracher dans la bouche, quoi. Non, ça n'a pas d'intérêt. Si tu passes en revanche ton temps, une journée à lire des classiques ou des ouvrages qui vont t'apporter des connaissances, oui, là c'est rentable. Donc le fait d'apprendre le combat, tout ça, il n'y a pas de problème. Bougez, vas-y, bouge. Et oui, dernier point, Whitman le disait, et Gandalf aussi, bien entendu, la Bourgogne, ça peut être intéressant. De toute façon, les endroits qui sont près d'autres pays, bah, parce que pourquoi là, c'est mon cas perso, je ressens une fatigue aussi, un peu comme toi. Je suis l'anti-Mélenchon, hein, c'est-à-dire que Mélenchon se sent mal à l'aise quand il est entouré de blonds aux yeux bleus. Moi, je m'épanouis quand je suis entouré de blonds aux yeux bleus, hein, mais qui pensent comme nous, quoi, parce que... Oui. Parce que les blonds, extrême gauche, ils les tonnent, et c'est pas possible. Mais rapproche-toi de ces pays-là, parce que bon sang ne saurait mentir, et ces gens-là, même si pour l'instant ils sont un peu tarés, je pense que le jour où ça doit recadrer droit, ça recadrera droit. Bienvenue au Grimoire de Merlin, le rendez-vous des antisémites carabinés. Ah tiens, en voilà un de moins. Non mais, calmez-vous, on va y aller en souplesse, hein, en souplesse. Bien, ici Merlin, et nous sommes là pour disséquer les entrailles de la bête juive pour mieux comprendre ses intentions malsaines, et je sens que cela vous excite. Hein. Qui ? Je le ressens de plus en plus. Qui ? C'est excitant. Qui contrôle la meute médiatique ? Non mais putain ! Il y a l'autre putain de juif de Pasternak qui casse les couilles ! Eh mais toi ! Eh, bougez pas, je vais le choper ce bâtard, je vais le noyer, ouais. Qui ? Eh viens là, toi ! Viens là, approche. Qui ? Viens là. Tiens, voilà, bouge pas ! Qui ? Ce sont les juifs ! Espèce d'ordure ! Ah, ça c'était un paix. Ah bah voilà. Ah, veuillez m'excuser, je le tenais en cage depuis une semaine au moins, cet enfoiré, il s'était mis en tête de me casser les couilles, donc là bon. Histoire réglée. Bien, reprenons. Brave Goïm, prenez place et concentrez-vous. Et hop, sans plus attendre, je vous sors mon grimoire qui me sert de Pokédex à outre. Alors, voyons voir le juif du jour... Oh, voici un individu de la pire espèce. Laurent Sagalovitch. J'ai bien aimé cette punaise séfarade. Ayant travaillé entre autres pour Les Inrecuptibles, Libération... Oui, alors attendez, par contre je me permets un avis tout de suite. Je pense qu'avec ce genre de parcours et la gueule qu'il a, celui-là, ce doit être selon moi une belle fiotte. D'ailleurs, est-il plus fiotte que juif ? Bon, après, certainement que pour concilier les deux, il a une mezouza accrochée sur la fesse droite, juste à côté de l'entrée de son trou de balle. Bon, bref. Plus sérieusement, en tout cas, il a très bien synthétisé grosso modo ce que pense n'importe quel juif. Et donc, sous couvert d'humour, il met les choses au clair dans un article intitulé « Le Goy expliqué au Goïm », relayé par Slate.fr le 14 janvier 2017. J'ouvre les guillemets. Ce n'est pas vraiment une injure ou une insulte, c'est juste une façon de brocarder celui qui n'a pas la chance d'être juif. Je l'avoue bien volontiers, j'adore prononcer ce doux mot de goy. Je ne m'en lasse jamais, c'est une petite musique contenue dans une seule syllabe qui m'enchante chaque fois que je l'utilise. Et je l'utilise à tort ou à travers, à la moindre occasion donnée, pour me moquer de mes petits camarades qui ne seraient pas nés des sens supérieurs, c'est-à-dire juives. Afin de vilipender des comportements empreints d'un esprit de charité bien trop chrétien, pour être honnête. Dans le but de marquer ma radicalité d'avoir été circoncis à la naissance et non point plongé comme un vulgaire saumon dans un bain d'eau bénite. Goy par-ci, goy par-là, chante à toute heure mon esprit. Je ne connais pas de juif qui puisse résister à son attrait. C'est comme un signe de ralliement à tous les Moïse de la terre. On a beau passer nos journées à s'écharper sur Israël, sur Dieu, sur la question de savoir quel est le plus savoureux des couscous. Le tunisien pour ma part. Au sujet du meilleur dentiste de la place de Paris ou de New York, on finit toujours par s'accorder sur notre chance d'avoir échappé à la condition de goy, cette demi-portion qui nous doit tout. Tout sauf goy est notre cri de ralliement, et c'est évidemment un cri de désespoir. Le sale goy, c'est l'autre, le lourd, le lent, le fils de l'homme, le petit traître à la barbe de 3 semaines clouté sur la croix, l'autochtone, le français de base ou de souche, au nom de terroir qui sent bon la vache et ses aïeux, le patelin à la mentalité auvergnate, bourguignonne, bretonne, picarde, savoyarde, le confessé du dimanche, le gaulois cocardier, le paysan aux racines qui remontent jusqu'à Astérix, le collabo adorateur du maréchal. Mais c'est aussi, mais c'est surtout, l'expression de la revanche et de la méfiance, du persécuté, de l'humilié, de celui qui, depuis la nuit des temps, n'a cessé d'errer sur la terre à la recherche d'un havre que personne n'a jamais voulu lui accorder, le réprouver, l'hérétique à qui on a fait payer le prix. Et quel prix ! De ne pas avoir consenti à reconnaître l'autorité d'un apôtre assez givré pour tendre l'autre joue afin de mieux goûter à la douleur. Le déporté dont on a essayé par tous les moyens de se débarrasser et qui continue envers et contre tout à exister. Oui, c'est le cri du cœur de celui qui a trop souffert, trop pleuré, et qui a tout recommencé, tout perdu sauf son sens de la dérision et de l'humour. Notre Marseille, notre God Save the Queen, notre Stars and Stripes à nous. Allons, enfants de la goyerie. Le goy n'est pas l'ennemi du juif. Tout au contraire, il est celui qui donne toute sa saveur à la condition de juif. Il est celui par qui on glorifie notre propre génie, celui qui magnifie notre superbe étrangeté, celui à qui, peut-être, on meurt d'envie de ressembler sans jamais oser se l'avouer, qu'on jalouse en secret dans le tourment de notre existence jamais apaisée. C'est en fait un juif imparfait, ce qui évidemment n'existe pas. Fermez les guillemets. Et donc voilà, cher Goïm, la considération qu'ont pour vous vos chers juifs que vous acceptez dans vos sociétés depuis l'Antiquité. En termes de reconnaissance et de respect, on se situe entre la vipère et le cancrelat. Quand j'observe ces démons huileux nous vomir à la gueule par devant, nous faire les poches par derrière, puis oser nous sommer d'avoir de la compassion pour leurs petits martyrs montés de toutes pièces et épinglés bien au-dessus de nos dieux, eh bien je me dis que peut-être bien que ne pas être antisémite est en réalité un crime contre la dignité humaine. Ouais, je vais vous laisser méditer là-dessus pour la prochaine fois, mes chers amis. Et je vous dis rendez-vous au prochain numéro. C'était Merlin, Sieg Heil. Parlons brièvement, ou pas si brièvement, du fiasco qu'a rencontré la France avec un contrat d'armement colossal avec l'Australie. Vous avez vu que ça a déclenché une crise diplomatique sans précédent, c'est factuel, hein, avec les États-Unis, puisque pour la première fois de l'histoire, la France a rappelé son ambassadeur en poste à Washington. Ça n'était jamais arrivé en plus de 200 ans de relations franco-américaines. Je vous lis quand même un petit condensé de la situation citée donc par France 24, média d'État, hein, source autorisée s'il en est. Donc la France a rappelé pour consultation ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie à cause de, je cite, la gravité exceptionnelle de l'annonce du partenariat stratégique entre Washington, Londres et Canberra, débouchant sur l'annulation par l'Australie d'un gros contrat d'achat de sous-marins à la France, a annoncé vendredi 17 septembre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Alors là, je cite, hein, « À la demande du président de la République, j'ai décidé du rappel immédiat à Paris pour consultation de nos deux ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité, tout aussi exceptionnelle visiblement, des annonces effectuées le 15 septembre par l'Australie et les États-Unis », déclare-t-il dans un communiqué. « Nous avons été en contact étroit avec nos partenaires français sur leur décision de rappeler ambassadeur à Paris pour des consultations. Nous comprenons leur position et continuerons de nous efforcer dans les prochains jours à résoudre nos différends, comme nous l'avons fait à d'autres moments au cours de notre longue alliance », a réagi côté Washington le porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, Emily Horn. Un peu plus tôt, un responsable de la Maison-Blanche avait tenu des propos similaires, sous couvert de l'anonymat, tout en disant à propos de la décision des Français « Nous regrettons qu'ils aient franchi ce pas ». Les États-Unis espèrent pouvoir régler ce différend la semaine prochaine à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc à l'ONU, a ajouté le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price. C'est la première fois qu'une telle décision est prise vis-à-vis de ces deux pays, notamment les États-Unis, alliés historiques de la France depuis leur guerre d'indépendance. Depuis l'annonce mercredi de ce partenariat sécuritaire, baptisé AUKUS, ou AUKUS, AUKUS, hein, du nom en fait Australie, Royaume-Uni, États-Unis. Donc l'acronyme est en anglais bien sûr. Et l'annulation par l'Australie du contrat prévoyant la fourniture d'une douzaine de sous-marins conventionnels, donc, c'est-à-dire propulsion diesel en fait, hein, pour plusieurs dizaines de milliards d'euros, la France ne décolère pas à l'encontre des États-Unis et de l'Australie. La France a ainsi annulé une soirée de gala prévue vendredi soir pour commémorer l'anniversaire de la bataille de Chesapeake Bay, décisive dans la guerre d'indépendance des États-Unis, conclue par une victoire de la flotte française sur la flotte britannique le 5 septembre 1781. Outre les États-Unis, Jean-Yves Le Drian a également dénoncé jeudi un coup dans le dos de l'Australie. Le Premier ministre australien Scott Morrison s'est défendu, affirmant que l'information du partenariat avait été transmise directement au président, au ministre des Affaires étrangères et à la ministre de la Défense, tout en disant comprendre leur déception, je cite. Lorsque j'ai rencontré le président Emmanuel Macron à la fin du mois de juin, je lui ai clairement fait part de nos inquiétudes concernant la capacité des sous-marins conventionnels à faire face au nouvel environnement stratégique, a affirmé le Premier ministre à la radio 5AAA d'Adélaïde. Je lui ai clairement dit que c'était une question sur laquelle l'Australie devait se décider en prenant en compte son intérêt national. Faisant feu de tout bois, Paris s'est demandé comment faire confiance désormais à Canberra dans la négociation commerciale entre l'Union européenne et l'Australie. On a des négociations commerciales avec l'Australie. Je ne vois pas comment on peut faire confiance aux partenaires australiens, a lancé le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. Alors en fait, bon, en résumé, on va y revenir, hein, mais la France essaye de préparer bon an mal an une riposte au niveau de l'Union européenne. On y reviendra, mais vous comprenez que en fait, Clément Beaune, qui est un homosexuel qui menaçait déjà la Pologne, hein, si vous en rappelez, parce que soi-disant il ne marie pas les PD, ça ne lui va pas, essaye d'entraîner les 27 membres de l'Union européenne dans leur croisade contre l'Australie. Nous verrons bien ce que ça va donner. Je pense que ni vous ni moi n'accordons une très grande importance à cette capacité de riposte. Enfin bon, allons tout de suite vers Fulbert qui a beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. Alors au départ, donc une vente de sous-marins. Nos auditeurs qui sont peut-être pas forcément familiers de ces histoires se disent bon, des sous-marins, on n'en vend pas, des bateaux, on n'en vend pas. Pourquoi tout d'un coup cette gravité? Qu'est-ce qui se passe? Y aurait-il un enjeu particulier? On ne comprend pas. Est-ce que tu peux les éclairer là-dessus? Pourquoi soudainement, outre la question purement financière, hein, le contrat a été quand même énorme, beaucoup d'argent, mais finalement, quand on voit les sommes gigantesques qui sont empruntées par la France sur les marchés internationaux, on peut dire 50 milliards de plus, 50 milliards de moins, est-ce que ça mérite tout d'un coup cette rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis et avec l'Australie? Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs sur ce sujet? Comment tu peux leur expliquer ça, Fulbert? Eh bien, c'est un point de vue tout à fait personnel, qui vaut ce qu'il vaut. C'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est une véritable rupture diplomatique, beaucoup plus lourde, beaucoup plus significative qu'on ne pourrait le croire en se disant, voilà, on est en froid avec les anglophones, je les appelle comme ça volontairement, mais c'est une question de temps, il y aura des contreparties, rien du tout, il n'y aura rien. Beaucoup parmi nous, en fait, je vais un peu trop vite, en réalité, ce contrat qui a été déchiré a autant d'importance que le fameux contrat de paix qui avait été établi entre l'Allemagne et d'autres pays lors du premier conflit mondial. Il y a eu une phrase célèbre, je ne sais plus qui elle est, qui disait que ces histoires de traités, ce n'était que du papier. Eh bien là, c'est pareil. Parce que nous assistons, je pense, à la naissance d'un bloc géopolitique particulier, qui est composé de pays anglophones, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, puisque ces deux pays sont directement mêlés à cette rupture de contrat avec les sous-marins français, avec l'Australie, bien sûr, accessoirement, mais ce sera le cas, avec la Nouvelle-Zélande, et sans doute l'un ou l'autre timbre-poste que j'oublie, géographique, un timbre-poste. En réalité, nous venons d'assister à la naissance de ce qu'un écrivain célèbre exposait il y a maintenant environ 70 ans dans son livre. Je pense à George Orwell et à 1984. Dans ce bouquin, Orwell expose sa vision du monde futur. Et cette vision comprend trois grands blocs que sont respectivement l'Océanie, composée justement de tous ces pays que je viens de citer, là, principalement ou uniquement anglophones. L'Océania. Cette Océania qui étend son emprise sur les océans, vous l'avez compris, un peu comme l'Angleterre dans le passé. Il décrit aussi deux autres blocs qui sont respectivement l'Eurasia et l'Estasia. Qu'est-ce que l'Eurasia ? Ben, c'est l'assemblage de l'Europe avec la Russie et prolongé par la Sibérie. Donc, avec l'accès aux deux océans, Atlantique à l'ouest, Pacifique à l'ouest, à l'est. Bon. Le troisième bloc, c'est l'Estasia. L'Estasia qui voit un bloc extrême oriental. On ne précise pas quel est le pays leader, mais bon, on voit aujourd'hui, et tout le monde a compris que c'est la Chine, avec tout cette partie basse de l'Asie, avec l'Inde et quelques autres pays. Donc, voilà à quoi correspond l'Estasia. Il n'y a qu'un bloc qui n'est pas décrit par Orwell. C'est l'Afrique. Parce que si l'on accepte l'Égypte, l'Afrique, pour ainsi dire, n'a pas d'histoire. N'ayant pas d'histoire, elle n'a pas de futur. Et c'est ce qu'avait compris notre ami Eric Blair, donc sous son pseudonyme de George Orwell. L'affaire des sous-marins révèle une entente particulière entre tous ces pays anglophones qui correspondent à peu près à ce que Orwell appelait Océania. Voilà, tout simplement. Ces gens font aujourd'hui la différence entre les alliés privilégiés, que sont justement les autres pays anglophones, et les alliés supplétifs, que sont les Européens. Parce que nous, Européens, ne l'oublions pas. Que l'on se croit dans le camp des vainqueurs de 45 ou non, c'est une stupidité. Nous avons tous, toute l'Europe a été vaincue. Il n'y a rien à faire. Nous avons été vaincus par l'Ouest, les Anglo-Américains, par l'Est, les Soviétiques. Les Soviétiques ont disparu. Ce qui nous permettrait aisément, avec un peu d'effort, pas beaucoup, de nous orienter sur la Russie et donc la Sibérie et de former cette Eurasie. Mais manifestement, nos crétins, tous ces crétins qui nous dirigent, qui sont corrompus, qui sont vendus à l'étranger, il ne faut pas avoir peur de le dire, en sont parfaitement incapables et ne savent plus aujourd'hui où s'orienter. Les Français viennent de prendre, je parle de la diplomatie française, viennent de prendre une gifle. Si les autres ne comprennent pas, eh bien, l'Eurasie n'existera pas. C'est ça que je veux dire. Bon, j'ai résumé au plus sec et au plus vite. J'ai des choses à ajouter là-dessus. Intéressant, Fulbert, ton point de vue. Je retiendrai un élément de ce que tu as dit qui me paraît très pertinent. C'est l'émergence d'un bloc anglophone. Les Américains et les anglophones eux-mêmes aiment bien le terme d'anglosphère, d'ailleurs. Ils aiment bien utiliser ce terme-là, qui me paraît très justifié. Alors, on pourrait, à gros traits, dire les anglo-saxons. Vous avez compris que l'Amérique actuelle n'est pas anglo-saxonne, peut-être dans ses couches dirigeantes, certainement pas dans les rues d'Amérique, hein, ou de Grande-Bretagne, ou d'Australie. Hein. Il y a eu un repeuplement qui a eu lieu, il y a eu un grand remplacement. Donc, il faut bien comprendre que ces pays-là sont de langue anglaise, donc anglophone me paraît un terme pertinent, dirigés effectivement par des élites anglo-saxonnes et juives. C'est important de le dire, mais ce ne sont pas des États anglo-saxons au sens plein et entier du terme. Et je crois que ce qui se passe à la faveur de ce contrat, c'est la fin de l'alliance telle qu'on la comprenait jusqu'ici. D'où la réaction extrêmement violente des Français, des autorités françaises. Bon, c'est des gens qu'on ne fréquente pas, hein. C'est le Quai d'Orsay, c'est la présidence de la République, c'est le monde de la production d'armement, etc. Bon, c'est vraiment les élites dirigeantes de l'État profond français, quoi. Bon, des gens qu'on ne voit jamais. Bon. Mais leur réaction extrêmement violente, presque hystérique même, traduit une exaspération et une surprise qui ne doit pas du tout être sous-estimée en se disant « Oh là là !» Oh, les Américains nous ont fait foutu un coup de coude dans le dos, ils nous ont pris quelques milliards. Bon, passons à autre chose. Non. C'est ce que dit Hubert, c'est-à-dire qu'on est bien sur un mouvement de tectonique des plaques au plan géopolitique qui a des implications gigantesques. Alors, moi, mon point de vue là-dessus, c'est simple, et là, c'est pas mon idée, c'est simplement un constat, c'est que les Français, enfin les élites françaises, s'étaient inscrites depuis 1945 par la force des choses, dans le bloc occidental allié dirigé par les États-Unis. C'était entendu, même du temps de De Gaulle, c'était entendu. De Gaulle se ménageait certaines marges de manœuvre, on connaît, hein, courtisant les Arabes, etc. Mais globalement, il était entendu que la France était complètement intégrée, de fait, dans le bloc pro-américain. Les Américains ont une seule préoccupation. C'est la Chine. Parce que dans 30 ans, la Chine pèsera économiquement deux fois le poids des États-Unis. Pour les États-Unis, ce n'est pas simplement une question de compétition, c'est une question de survie. Les États-Unis sont rentrés dans une lutte à mort avec la Chine. D'abord économique, éventuellement militaire, mais d'abord économique. Et là, ils comptent leurs amis. Alors, ils ont sollicité l'Europe. Ils ont essayé de tester l'Europe. Ils ont demandé à l'Europe, c'est où vous vous situez par rapport à ça. L'Europe réagit à sa géographie. L'Europe dit, ben nous c'est simple, on est copains avec tout le monde. Entre les États-Unis, l'Amérique du Nord et la Chine, on est amis avec tout le monde. Voilà. Si les Chinois ont des trucs à nous proposer, on les prend. Si les Américains ont des trucs, on les prend. On est amis avec tout le monde. L'attitude des Américains est complètement différente, parce que vous l'avez compris, il s'agit pour eux de la survie de leur hégémonie. Donc pour eux, des gens qui leur disent « on est copains avec tout le monde », ce n'est pas une réponse qui les satisfait. Eux, ils veulent entendre « pour nous, la Chine, ce sont nos ennemis, nous sommes à 100% avec vous. » Si vous dites ça, les Américains sont vos meilleurs amis. Si vous dites « nous sommes avec tout le monde », pour eux, ça veut dire « vous n'êtes amis avec personne ». Quand Trump avait déjà mis en place ce système, c'est lui qui l'a véritablement amorcé d'ailleurs, c'est pas Obama, c'est vraiment Trump. Et Biden n'a fait que prendre la suite, mais a accentué. Et un petit peu avant, l'Europe, et notamment l'Allemagne, était entrée en discussion avec la Chine pour des histoires de libre-échange, etc. Et les Allemands, les Français, et en fait tous les Européens, à l'exception bien sûr des Britanniques, étaient chauds partisans d'un accord économique avec la Chine. Parce que ce n'est pas tellement, parce qu'on est encore sur des représentations qui sont datées, l'idée que les Chinois nous envoient leurs produits pas chers. Ça, c'est l'ancien modèle chinois économique. Le modèle actuel que développent les Chinois n'a rien à voir avec ça. Le modèle actuel chinois, c'est le marché intérieur. C'est-à-dire que les Européens vont devoir se battre pour avoir accès à la demande chinoise. On va devoir se battre pour aller vendre nos produits chez eux. Comprenez ? C'est ça le futur. Renversement complet. Donc, ils ont produit à pas cher pour accumuler du capital. Maintenant, ils convertissent leur économie en économie de demande intérieure, comme les États-Unis copient exactement le modèle américain. C'est pour ça que les Américains se sont rendus indispensables. Tout le monde voulait ces clients-là, les clients américains. Et demain, les clients chinois. Et les Européens en sont conscients. Et ils ne veulent pas se couper de la demande chinoise, sous aucun prétexte. Et c'est ce qu'avaient dit les Américains. Il faut choisir. C'est nous ou eux. ils ont, c'est, le deal était clair avec Biden. Un peu avant de rentrer, avant d'entrer à la Maison Blanche, le deal a été présenté à toutes les chancelleries d'Europe. C'est nous ou eux. Et les Européens ont répondu, c'est tout le monde. Comme j'ai expliqué. Les Américains ont donc conclu que jamais les Européens ne feraient la guerre à la Chine. D'aucune façon, etc. Bon, on pourrait convaincre les Européens d'emmerder les Chinois ici ou là, mais jamais dans une guerre frontale, totale, une guerre froide, voire chaude, avec la Chine. Ça n'arrivera pas. Ils l'ont conclu, grosso modo, en l'espace d'un mois, un mois et demi, pas plus. Ensuite est venue la deuxième phase du plan. Puisque l'Europe continentale ne nous suit pas, on va riposter. Et les Américains ont une tradition face à ça. C'est de ne pas s'occuper de l'Europe de l'Est, qui est économiquement insignifiante. Et en plus, ça peut être utile face aux Russes. Il faut toujours exciter un peu les Polonais contre les Russes, c'est toujours utile pour les Juifs de Washington. Le cœur économique de l'Europe, c'est l'Allemagne. Pas trop exciter l'Allemagne, on a toujours besoin de l'Allemagne, parce que justement, il faut quand même garder un peu l'Europe sous contrôle, donc on va cajoler un peu l'Allemagne. Mais géopolitiquement, le seul pays qui fait toujours montre de velléité géopolitique, d'une vision géopolitique, c'est la France. Alors là, on tape dur. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les Français sont châtiés parce que ils ne voulaient pas suivre face à la Chine, mais ils prétendaient squatter le Pacifique en faisant un deal avec l'Australie. Parce que les ventes d'armes sont toujours en fait à caractère géopolitique. C'est jamais une histoire de fric. Ça, c'est le côté un peu glamour, mais c'est pas vrai. C'est qu'on vend des armes parce qu'il y a une stratégie derrière. La stratégie française, c'était de dire « on va vous donner à vous, Australiens, les moyens de votre autonomie. Vous allez avoir des options. Vous n'êtes pas obligé de vous aligner totalement à l'Amérique pour faire face à la Chine. Nous allons vous donner les moyens d'une forme d'autonomie militaire face à la Chine. » C'était une forme, en gros, d'option alternative à l'hégémonie totale de l'Amérique dans le Pacifique. Parce que les Australiens, et pourquoi les Australiens avaient signé en premier lieu, c'est parce qu'ils se méfiaient de Trump, en se disant qu'il était complètement imprévisible, et que face à la Chine, avec laquelle l'Australie a beaucoup de relations, c'était trop dangereux d'être dépendant d'un acteur comme Trump. Donc ils se sont dit, bon, on va signer, on va prendre avec les Français, on aura le matériel, et comme ça, eh bien, on pourra un petit peu, par rapport à notre défense, temporiser, on pourra dire des fois aux Américains d'aller se faire voir, etc. Et en fait, les Américains, Trump ou pas Trump, c'est indifférent, c'est le Pentagone qui a dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que le Pacifique, c'est chez nous. Le Pacifique, c'est la mer de l'Amérique. Point barre. Il y a rien d'autre là-dessus. Les Australiens ont pris un coup de pression phénoménal. Il faut être clair, hein, les Australiens se sont vus menacés d'être abandonnés totalement à la Chine, par Washington, qui bluffait évidemment. Mais les Australiens étant un nain dans le Pacifique, ont capitulé tout de suite. Ils ont capitulé tout de suite, ils ont dit bien sûr, ok, ouais, oh, mon Dieu, imaginez-vous, les Américains sont plus là pour nous sauver, etc. Mais c'est rationnel, d'une certaine autre façon, parce que l'Australie face à la Chine, faut être sérieux, ça ne tire pas la route très longtemps. Donc il n'y a qu'une grande puissance militaire dans le Pacifique, c'est les États-Unis. Et je disais que les ventes d'armes étaient géopolitiques, ça veut dire que les Australiens ont bien compris que si jamais ils ont un gros problème face à la Chine, ils pourraient jamais appeler la France à leur aide. Jamais, et tout le monde le sait, tout le monde le comprend, les Français le comprennent. Donc ils ont dit, écoutez, d'accord, oui, des petites options d'autonomie stratégique, c'est sympa, mais... En cas de guerre frontale contre la Chine, nous, on n'a qu'un seul allié, c'est l'Amérique, son arsenal nucléaire, sa flotte, sa puissance de production. On n'a absolument aucune autre alternative. Donc, quand les Américains ont tapé du poing sur la table en disant « Vous achetez américain parce que vous êtes un dominion américain et vous allez vous aligner sur l'Amérique », les Australiens ont capitulé en 24 heures. Ça a été aussi simple que ça. Finalement, Biden a été beaucoup plus dur avec les Australiens que Trump. Et la traduction concrète, parce que venons-en maintenant à la conclusion, c'est qu'en fait, les Français ont été foutus dehors à coups de pompe dans le cul du Pacifique. Parce que pourquoi les Français voulaient offrir cette autonomie stratégique aux Australiens. C'est pas simplement parce qu'ils aiment les Australiens et qu'on adore les kangourous. C'est parce que les Français, au prétexte d'avoir quelques cailloux flottants au milieu du Pacifique, voulaient continuer d'exister dans cette grande confrontation entre les États-Unis et la Chine. Ils voulaient se glisser dans le truc, avec l'aide des Australiens, en disant il y a une troisième option, franco-australienne et même pacifique, probablement en rajoutant quelques pays musulmans au passage, parce que vous savez que les Français adorent les bougnoules. Donc j'imagine l'Indonésie, etc. Donc on aurait essayé comme ça de créer. Les Américains pensaient bien, ont tout de suite réagi, et ont fait le ménage. Alors le problème, c'est que grosso modo, moi je ne vois pas comment la Polynésie restera française au XXIe siècle, ça me paraît déjà perdu. La Calédonie, on verra bien. Ils vont faire un référendum, ça vaudra ce que ça vaudra, et le truc sera remis sur le métier dans 20 ans, etc. Ça sera les Américains qui décideront. Mais la France vient de se faire foutre dehors définitivement du Pacifique. C'est considérable. C'est pas juste « Ah, on a perdu des sous-marins avec du fric ». Non, la France a été foutue dehors à coups de pompe dans le cul par l'Amérique, qui reprend totalement, en urgence d'ailleurs, le contrôle du Pacifique face à cette menace énorme pour eux qu'est la Chine. Et là, ils disent « on peut plus discuter, quoi. C'est terminé, il n'y a plus d'espace, c'est mano à mano, comme on dit ». Voilà. Donc la France est dans cette situation assez catastrophique pour elle. Le centre du monde aujourd'hui n'est plus l'Atlantique, c'est le Pacifique. C'est là que se concentrent les deux grandes puissances économiques du monde, Amérique du Nord, Asie, quoi, hein, Chine. La France voulait exister, elle ne peut plus. Elle est dégagée de l'alliance dirigée par les États-Unis, même si elle sera un peu ménagée. Elle se retrouve en Europe pour dire quoi, pour faire quoi, elle ne sait pas. Et l'Afrique lui échappe. Où il n'y a plus qu'une prolifération de nègres et de musulmans radicaux financés par tout ce qu'on voudra. Donc la France n'a plus d'espace. Elle n'a plus d'espace, ni à l'Est, ni nulle part. Donc voilà, il n'y a plus d'options stratégiques, en fait. Quand le Mali sera perdu, ça va bientôt tomber, ça sera terminé. C'est-à-dire que la France n'aura plus aucune option stratégique nulle part, ce qui n'était jamais arrivé en 5 siècles. Voilà exactement. On se trouve, d'où la réaction absolument hystérique des Français, que peut-être le grand public ne comprend pas. Mais j'espère qu'il a compris avec mon développement probablement trop long. Si vous voulez réagir là-dessus, quand même... Parce qu'en fait, c'est un peu la fin de l'ère coloniale, si vous voulez. C'est ça que je voulais dire, quoi. C'est un peu la fin de l'ère coloniale, quoi. Ça peut être ça le choc qui va amener des pays comme la France, parce que faut voir les choses en face. La diplomatie française a toujours fait en Europe, elle n'est pas la seule, hein, elle a toujours fait en Europe un petit peu bande à part. Même déjà avant 1940. Mais bon, là on pouvait encore comprendre. Mais c'est peut-être ce choc-là qui va amener les Français, mais pas seulement, les Européens à un petit peu réfléchir à leur avenir. Parce que pour l'instant, leur avenir, j'ai l'impression qu'ils se limitaient simplement à leur confort, à leur richesse. Je ne parle pas des peuples, hein, je parle des dirigeants européens, je parle de diplomatie. Peut-être que ça va les amener à réorienter un petit peu leur réflexion. En fait, ils n'ont plus d'options géopolitiques. C'est ça qui se traduit là, en fait. La France, c'est un peu comme la Grande-Bretagne. Pourquoi la Grande-Bretagne s'est mêlée là-dedans, hein. C'est le mythe de l'anglosphère. En fait, vous savez quelle est la fonction de la Grande-Bretagne en Europe, hein. C'est la même fonction qu'Israël au Moyen-Orient. C'est le moyen pour la juiverie de foutre la merde. De diviser pour régner, en gros, c'est ça. Donc, les Britanniques adorent ce rôle. D'accord, c'est leur fonction. C'est la fonction du Royaume-Uni est la même fonction qu'Israël pour les États-Unis, c'est exactement la même fonction. Et donc, il faut bien s'attendre à des tensions très fortes entre la France et le Royaume-Uni. L'Allemagne, face à ça, en fait, on voit le retour. Donc, la France voulait. La France l'accepte davantage. Il y a une culture géopolitique française qui fait qu'on accepte davantage le rapport de force en tout cas sur la scène internationale. Mais en Allemagne, c'est totalement tabou. Donc l'Allemagne s'interdit par principe, en raison de la Deuxième Guerre mondiale, de penser la géopolitique. Et il y a un interdit qui est tellement intégré dans l'identité allemande que je crois qu'elle ne pourra pas penser la géopolitique, elle ne pourra pas penser le rapport de force. Elle va s'enferrer dans une attitude d'isolement splendide, espèce de grosse Suisse comme ça, ce que les États-Unis ont, à mon avis, totalement anticipé, et il ne va rien se produire, à mon sens, de ce côté-là. Et donc, les Français... Mais le problème des Français, c'est qu'ils sont coincés par la géographie. C'est-à-dire que du côté de l'Allemagne, en fait, vous avez de la gelée. Il se passe rien. En fait, il n'y a rien. Il se passe rien. Et au nord, vous avez la Grande-Bretagne qui fera chier à la moindre occasion. Et au sud, des bougnoules et des nègres qui n'ont qu'une envie, c'est de tuer des Blancs, en fait. Donc il n'y a rien. Il n'y a plus d'options, si vous voulez. Il n'y a plus d'options grandioses pour le développement. Voilà. Et le problème, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, parce que peut-être que beaucoup de Français ont quand même intégré le fait que la France, était, au plan mondial, c'était plus grand-chose. Mais au plan des élites françaises, croyez-moi bien que ce n'est pas du tout le cas. Hein. Au plan des élites françaises, on se ment encore énormément. On se prête des rêves de grandeur, de puissance, d'influence, qui sont sans rapport avec la réalité des moyens de l'État français. Enfin, c'est évident. Mais, donc il y a une illusion collective qui prévaut au sein des élites, entretenue par l'intégration dans cette espèce de gouvernance globale aux côtés des États-Unis. On se disait, ah bah voilà, on va en participer. Et ce qu'ont fait les anglo-saxons là, dans le... Je dis anglo-saxons, vous avez compris, des anglophones, comme disait Fulbert, dans le Pacifique, c'est-à-dire non. Non, au final, le dur du dur, c'est avec des gens de confiance. Et pour les Américains, comme pour les Anglais ou les Australiens, un pays qui parle français, c'est un pays latin, on ne peut pas compter dessus. La France n'est pas un pays latin, entre nous soit dit, hein, racialement parlant. Hein. Donc, vous allez me dire, maintenant, c'est plutôt un pays de nègres. Mais bon, j'ai jamais cru à la thèse, hein, de la France pays latin. C'est certainement vrai, je veux dire, dans le sud de la France, je veux dire, d'accord. Enfin, je veux dire, allez pas me faire croire que les gens qui habitent l'île, sont des Français de souche de l'île sont des latins, c'est pas vrai, quoi. Moi, ce qui me sidère, en fait, c'est la stupidité générale, hein, parmi nos élites. Le problème, il vient des années 60-70, lorsque les mecs ont laissé faire la désindustrialisation et ont laissé partir les entreprises françaises. Bon, les Américains, on ne pouvait rien faire, mais ne serait-ce que tous les gens de chez nous qui ont parti en Chine, les moyens de production, pour ensuite faire en sorte que les Français puissent acheter de la merde à bas prix, ces mecs-là, s'ils sont encore en vie, ils méritent d'être jugés. Hein. C'est terrifiant. Je comprends pas. C'est terrifiant ce qui s'est passé. Moi, dans ma ville d'origine, une petite ville de 7000 habitants, on produisait des chaussures. On produisait des produits chimiques, etc. Il y avait des petites usines, vous vous rendez compte, des petites usines dans des villes de 7000 habitants, partout. La France travaillait dur. Et c'est ce que tu as dit, quoi. Ce phénomène de désindustrialisation, on s'est fait avoir. Maintenant, en fait, il y a cette idée qu'on allait chevaucher avec les Américains. Les Américains ont dit non. Parce que à cause de cette réaction française, allemande, face à la Chine, ils ont dit, ok, vous n'êtes pas avec nous contre la Chine à ce moment-là. Vous n'êtes pas avec nous tout court. Un peu comme durant la crise irakienne, mais en beaucoup plus grave, là, pour le coup. C'est-à-dire, vous n'êtes vraiment pas avec nous du tout. Donc, il n'y a plus d'alliance, en fait. L'alliance de 45, avec De Gaulle, etc., c'est fini. Même la Première Guerre... En fait, on a terminé l'alliance qui a commencé avec la Première Guerre mondiale, d'accord ? France, Grande-Bretagne, États-Unis. C'est fini. C'est ce qui se passe, là, actuellement. C'est ça, la situation. Les Français ne comprennent pas. À mon avis, les élites françaises sont quand même informés, comprennent très bien. Et le truc, on fait quoi ? Bah, les Allemands, je dis, c'est de la gelée. C'est-à-dire que les Allemands, ils pensent pas à géopolitique, en fait. Ils disent, oh, non, attendez, nous, qu'est-ce que... Parce qu'en fait, à chaque fois que les Français à chaque fois que les Allemands commencent à penser géopolitique, tout le monde les insulte. Les Français les insultent, les Russes les insultent, enfin, tout le monde les insulte, en fait. Donc, voilà, ça va jamais, quoi. Ah ouais, vous voulez nous conquérir, vous voulez nous assassiner, ça... Pas forcément à tort, d'ailleurs, hein, parce que, bon, les armées allemandes avaient quand même la tendance à franchir des quelques frontières, quoi. Donc ça va pas. Donc, les Allemands, en fait, et en plus, ils ont pas la démographie, je veux dire, pour ça. Enfin, les Allemands sont en voie de dépeuplement avancé. Ils seront grands remplacés exactement comme nous. C'est pas un peuple qui a envie de déborder de ses frontières, vous voyez ce que je veux dire. C'est des vieux, c'est des boomers, qui sont très contents avec leur plan retraite, et il n'y a pas de grande géopolitique, vous comprenez. Donc, on est dans une espèce de no man's land géopolitique où il n'y a que des vieux et où les bougnoules débarquent de partout. Et les anglo-saxons viennent de nous dire qu'on était inexistant sur la carte du monde et qu'on avait qu'à aller se faire foutre. Alors à Paris, où on avait des rêves de grandeur au Pacifique, je sais pas, il s'était inventé le fait que la France est une puissance du Pacifique. Je sais pas. Allez dire c'est des Asiatiques, ça voulait bien les faire rire. Non, ça n'existe pas, quoi. Donc voilà, donc... Alors, on revient à la situation du XVe siècle, où la France n'était pas une puissance ultramarine, uniquement continentale. Vous voyez ? On en est là. Cinq siècles en arrière. On en est exactement là, géopolitiquement. Et alors là, si vous voulez penser une situation pareille, ça n'a probablement pas du tout été présenté dans les écoles aux jeunes pousses très talentueuses, hein, comme nous le savons, qui peuplent les ministères. Je vais te dire, moi, ça me réjouit un petit peu tout ça, parce que je n'en peux plus des souverains, des souverainistes ou des patriotes qui me cassent les noix avec leur... Ah ouais, mais attends, les DOM, c'est français, attends, et puis toute la zone économique exclusive, tous les miles nautiques, ils nous appartiennent, justement, c'est bien que tu pointes ça du doigt, parce que les trois quarts, en fait, de la fameuse zone deuxième, parce que vous savez, la France est la deuxième zone d'exploitation économique. L'espace économique. Voilà, les trois quarts sont dans le Pacifique, à cause de ces îles-là. Bon, on n'en a jamais rien fait, parce qu'on a... Bon, vous imaginez. Mais bon, théoriquement et légalement, c'est français. Sauf que bon, les Américains et les Chinois vont s'en faire un plaisir, quoi, vous voyez. Mais la France ne peut plus compter sur un partenaire privilégié comme l'Australie pour défendre cette... ce qui pour moi est une fiction hein, dès l'origine, mais bon. Voilà, elle ne peut plus le défendre difficilement. La France, si jamais il y a... Enfin, si jamais les États-Unis décident que c'est fini, quoi. Hein. Ça sera terminé d'un trait de... En fait, on pourrait le défendre, mais c'est-à-dire qu'il faudrait faire passer le budget de l'armée française, en fait, à 10% du pays. Il faudrait arrêter de subventionner et compagnie, et puis après, se poserait la question, quel est l'intérêt de le défendre? Alors oui, je sais qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des ressources minérales, il y a plein de ressources métalliques, matières précieuses. On va attendre les voir, hein, ceci étant dit. Hein, mais bon. Oui, non, ici, t'as des mines de zinc et compagnie, et puis... En Calédonie, mais ça coûte une fortune, c'est pas rentable. Ah. Bon, alors, le problème, c'est que les Chinois vont débarquer dessus, et puis un jour, ils récolteront les lauriers, tout ça. Mais la question, surtout, c'est... Excusez-moi. Quel est l'intérêt, en fait? Quel est l'intérêt d'avoir des terres aussi loin qu'on ne peut pas protéger? C'est comme tu le dis si bien, déjà c'est loin de chez nous, et puis en plus on n'a plus les moyens de notre grandeur. Et puis en plus ça crée pour moi des équilibres psychologiques chez les gens, parce que les mecs vont te dire ah, mais attends, les Kanaks, français, moi, enfin, oui non, excuse-moi, c'est la crise finale de l'impérialisme français, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Il y a un surmoi impérial français qui va de la gauche, en fait, de l'extrême gauche à l'extrême droite, parce qu'en fait l'extrême gauche française est impérialiste. Parce que quand elle n'est pas impérialiste à l'étranger, elle est impérialiste à domicile. C'est-à-dire que les halogènes ont vocation à nous envahir parce qu'en fait, on est un empire et que tout le monde est interchangeable. Alors qu'ils n'ont pas le même discours avec des peuplades d'Amazonie, où ils disent non, non, ils ont regardé leur spécificité, etc. Donc, ils sont différentialistes avec des petits peuples d'Amazonie. C'est très bien, ça me va très bien d'ailleurs. Hein. Mais ils disent vis-à-vis de la France, non, mais tout le monde a vocation à venir ici. Oui, en fait c'est une dégénérescence de l'impérialisme français d'attendre l'ère coloniale, en fait. Et il faut quand même comprendre que la décision américaine de chasser la France du Pacifique, c'est vraiment la fin de l'ère coloniale. Je pense que beaucoup de Français ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Les médias ne vont pas faire en sorte qu'ils comprennent. Hein. Parce que tout ça est beaucoup... C'est du non-dit, en fait. La France ne s'assume pas comme une puissance coloniale, en fait. Elle ne dit pas, voilà, on est une puissance coloniale. Ils disent, ah bah non, Tahiti, la Calédonie, c'est la France. Tu vois, comme on disait, l'Algérie, c'est la France. Et puis en fait, bon. Et le problème, mais c'est même pas ça. C'est que derrière, tu dois repenser ton rapport. Et d'être régionalisé en Europe, pour la France, c'est ce que je disais, c'est un retour 5 siècles en arrière. Ou à tout le moins, on va dire, 5 siècles, c'est un peu dur, mais au moins 3 siècles en arrière. quand il y avait une compétition entre la France et la Grande-Bretagne pour la conquête des mers, en fait. Hein. Et là, en fait, c'est la fin de la création. Et maintenant, la France doit se repenser complètement. Mais le problème, c'est que les élites françaises ne veulent pas se repenser. Parce que si on se repense, on doit dire, mais qui on est, en fait? Et quand tu regardes dans les rues françaises, tu dis, bah ouais, on est qui? C'est, regarde la gueule, mec, là. Ah, tiens, putain, il a une gueule de nègre. Ah ouais, lui, il a une gueule de pakistanais, ouais. On est qui? Voilà. En fait, la France revient au point de départ. Je crois que la France est entrée dans une phase de dissolution totale, là. Oui, c'est... Les gens aiment bien stopper le processus hein, au moment qui leur convient, mais là, c'est un peu la... C'est un peu comme le 11 septembre, on parlait du 11 septembre avec les tours qui s'effondrent, vous ne pouvez pas stopper la chute à un moment, c'est-à-dire que la chute, c'est la chute. Et je vous le dis que, pour moi, le processus français de construction d'un État et ensuite d'affirmation de cet État dans son précaré, ensuite de rayonnement de cet État, c'est-à-dire de... Quand je dis rayonnement, c'est la formule gentille, hein, c'est qu'en fait, tu vas agresser les autres pour étendre ton influence par la force. Le problème, c'est que si le processus inverse se déclenche, ça se termine où ta souveraineté, c'est l'île de France. Ça part de l'île de France et ça finit en île de France. Je ne sais pas si les gens comprennent cette espèce de phénomène physique. Là, de... La question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce qui va dissoudre qui en premier? Est-ce que l'État français arrivera à dissoudre sa population à coup de Pfizer en premier, ou est-ce que l'État français va se dissoudre de sa belle mort? Non, car un nouvel État va naître. L'État taliban. L'État grand bourguignon. Un État révolutionnaire fondé sur des idées racistes. Qui va rassembler autour de lui les meilleurs éléments de la race blanche. Et ce sera reparti pour une nouvelle aventure. J'ai de la suite dans les idées. Ouais, mais moi j'aimerais quand même rajouter quelque chose. En fait, j'ai décrit les trois blocs que Orwell présentait dans son bouquin. Mais l'Europe, c'est-à-dire l'Europe et la Russie et la Sibérie, l'Eurasie, occupée à se faire agresser depuis pas mal de temps, mais elle en est absolument inconsciente. Et Hauptmann a bien fait de parler du Covid. Parce que je pense que cette histoire de Covid fait partie d'une opération géopolitique de grande envergure qui engage même ceux qui l'ont lancée. Et je vais vous rappeler quelque chose. On parle des sous-marins. Mais rappelez-vous, pour bien nous séparer des Russes, qu'est-ce qui s'est passé avec les deux navires d'assaut il y a quelques années de la classe, vous savez, ces navires de la classe Mistral que la France devait vendre à la Russie de M. Poutine? Mais totalement, mais ça c'est absolument vrai. Ça, c'est, mais ça, c'est, le problème, si vous voulez, c'est le... Excuse-moi, je vais vous ajouter un petit truc. Cette histoire, cette affaire Mistral, montre bien qu'il y avait volonté de outre-Atlantique de casser toute possibilité d'unification ou d'accord profond entre les nations européennes et la Russie. Ah, mais c'est évident, mais c'était l'objectif. Voilà. Et la diplomatie française a été en dessous de tout, et probablement la diplomatie européenne aussi, d'ailleurs. Oui, mais en fait, il y avait des traîtres à tous les niveaux au Quai d'Orsay, c'est-à-dire qu'ils travaillaient tous pour les Américains. C'était des néocons. C'était la grande idée, c'était ça. La grande idée du Quai d'Orsay, c'était, voilà, on va chevaucher le cheval américain. Ne riez pas, c'était vraiment ça. Donc on va répandre l'influence française sur le dos du canasson anglo-américain. C'était ça. Les mecs sont fous. Et la démonstration vient d'être faite. Alors maintenant, Le Drian vient de démontrer son extrême naïveté. Alors, je m'en fous de savoir si à titre personnel il était naïf ou pas. La conclusion, c'est le résultat politique. C'est que les anglo-saxons ont viré les Français du Pacifique. C'était évidemment prévisible et c'était conditionné par cette histoire de Mistral. Tous ceux qui avaient un grain de bon sens étaient contre l'annulation de la vente du Mistral. Contre, absolument contre. Absolument contre. Il fallait surtout pas annuler cette vente. Tous ceux qui avaient un peu de sens ont hurlé en disant « mais il faut surtout pas annuler la vente des Mistral à la Russie ». Au contraire, d'abord c'était remettre en cause la validité de la signature de la France. Ensuite, il y avait là une possibilité d'entente avec la Russie. Alors bien sûr, ça faisait beaucoup angoisser certains pays d'Europe de l'Est, mais à mon avis, de manière un peu excessive. Bref, et la France a capitulé en se disant, mais ils ont refourgué leur truc à l'Égypte. Mais on leur a dit, oui, mais rassurez-vous, mais là, dans notre grande stratégie, la France aura un rôle, etc. On les a baradinés à Washington, et ils ont cru, et ça, c'est de la faute de Le Drian. Parce que Le Drian est ministre de la Défense, et sous Hollande, c'était le grand ordonnateur des négociations de vente d'armes. C'était lui le grand patron des ventes d'armes. D'ailleurs, il était généreusement rétribué pour ça, d'ailleurs. Bon, alors, il ne peut pas prétendre que ce n'est pas lui qui n'était pas au courant. Il savait très bien tout ça. Simplement, il a aucune espèce de suite dans les idées. L'alignement total sur les Américains. Mais les Américains, vous voyez, eux font de la politique. Ils ne savent pas mener des guerres, hein, ils ne savent pas faire la guerre, les Américains. Enfin, ils savent tout détruire, mais ils ne savent pas faire des guerres, intelligemment. Par contre, ils savent négocier des affaires. Alors ça, par contre, c'est des cracks. À négocier des deals, c'est les meilleurs. À ça, ils sont très forts négociateurs. Bon, ouais, Le Drian s'est fait rouler comme un bleu. Comme un bleu, comme un bleu. Il n'a rien vu. Rien vu venir. Rien vu venir. Donc maintenant, voilà, donc, les Mistral... La Russie nous regarde, enfin regarde la France maintenant comme étant le dernier des dindons, le dernier des dindons. Aucune dureté dans la prise de décision, aucune fermeté, aucune fierté, aucun honneur national. Vous voyez, c'est là qu'il faut être dur, vous voyez, en disant non, attendez, la signature, la parole, et là vous restez là-dessus, vous vous lâchez rien. Vous voyez, peu importe les pressions. Ah, ça a été bazardé en 3 minutes. Et maintenant, le remerciement des Américains, maintenant vous dégagez. Bah oui. Maintenant, ils peuvent pleurer, les Français. Ils peuvent pleurer, les Français, avec des dires. Mais c'est de la faute des Français. Ils ont le personnel politique qui mérite. Le personnel diplomatique qui mérite. Ils ont des nuls. Ils ont des nuls. On a des nuls. J'ai envie de dire que où qu'on regarde en France, c'est la même chose. Moi, je repenserai toujours à Renaud Camus qui se dédie et qui dit « Ah non, Florine Aligné. Oh non, surtout pas. Oh là, Zvastika sur la plage. Non, surtout pas. Je veux pas. » C'est dur. En fait, c'est ça. C'est que où que tu regardes en France, je pars chez les militants, chez nous. Il n'y a pas la méchanceté. Pas une. Si. La méchanceté, c'est important. Non, mais c'est ça la méchanceté. Comme tu dis, c'est l'honneur aussi. C'est aussi l'honneur. Et ça, tu l'as dit. Parce que tu peux ne pas être méchant, tu peux être naïf, tu peux te faire enculer, mais tu peux aussi avoir de l'honneur et voir que tu te fais enculer, mais au moins tu ne bougeras pas parce que tu te dis, si je bouge, je perds la face et je perds l'honneur et je ne bougerai pas. Mais effectivement. Nous, on est vraiment... On est niés, en fait. On est niés. Je crois pas qu'il faut voir les élites comme les françaises ou tant du tel comme étant trop naïfs ou étant bêtes ou je sais pas quoi. Pour eux, en tant que personne, la classe des hauts fonctionnaires n'a jamais été aussi riche, ce que faisait remarquer Charles Gave. Donc les prendre pour des gens incompétents, c'est à mon avis faire une erreur. Par contre, là, oui, c'est très corruptible. Déjà, ils n'aiment pas la France. Ils l'ont montré plusieurs fois. Macron a dit que les Français étaient des beaufs, hein, grosso modo, qu'il y avait des gens qui ne sont rien dans les guerres, etc., qu'il n'y avait pas de culture française. Donc déjà, ils n'aiment pas. Et deuxièmement, on sait très bien qu'ils sont très corruptibles. Hein. Combien d'exemples de gens qui ont été dans des multinationales américaines juste après avoir, dans le cadre européen, par exemple, favorisé des marchés américains. Enfin, je veux dire, pour l'Union européenne, on le sait, c'est aussi un des éléments à prendre en compte. Il y a un truc qui m'a révolté, hein. Je donne la parole à Porovitch qui vient de nous rejoindre, c'est la réaction de Florian Philippot qui a blâmé l'Allemagne. Alors ça me force à réagir. En disant, oui, il y a un sénateur, un parlementaire en tout cas australien, qui est proche de ThyssenKrupp et qui a... Comme si l'Allemagne... disposait des événements dans le Pacifique où l'Amérique est toute puissante. Soyons un peu sérieux, je veux dire. Non mais, au bout d'un moment, assez, quoi, je veux dire. Les Allemands défendent leurs intérêts, d'accord. C'est un peu l'amour vache, même franchement, les Français le leur rendent bien. Je trouve ça dommageable, je préférais qu'il y ait une Europe unie en un seul bloc, mais on est un foutu de créer... une puissance européenne avec un État européen. J'ai déjà dit que j'étais favorable à un État européen, contrairement à au souverainisme, justement. Je voulais un État européen. Moi. Qui n'a rien à voir, évidemment, avec le machin actuel. Hein. Mais les Européens en sont incapables. Bon. Alors, bon, il y a de la compétition, machin, truc. Mais de là à accabler les Allemands, parce que les Américains ont fait ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire de rosser les Français dans une négociation économique en Australie sur des intérêts stratégiques qui leur appartiennent au Pacifique, c'est se foutre de la gueule du monde. Je veux dire, j'en ai assez de cet inverti quoi, qui essaie constamment de. Moi, j'en peux plus. Je veux dire, la bochophobie comme culture, moi, j'en peux plus, quoi. Parce que derrière la bochophobie, c'est la haine du blanc, en fait. Ce qu'ils reprochent aux Allemands, c'est. J'attends encore, moi, les très vibrants, très agressifs reproches de Florent Philippot à l'égard de l'Afrique, hein. Qui nous envahit, qui pompe notre système social dans un volume considérable. Hein. Je veux dire, bon, voilà. Qui tue nos gosses. Moi, j'attends Florent Philippot là-dessus. On n'entend pas. Par contre, sur l'Allemagne, il nous fait un tweet tous les jours. Tous les jours. Bon. Le souverainisme comme ça, si vous voulez, moi, je vous dis, hein, ça c'est au four avec le reste. Hein, au four avec le reste, hein, en Pologne. Non, c'est assez, ça va. Faut être conséquent aussi, quoi. Faut être conséquent dans notre critique, quoi, je veux dire. Les Allemands, là-dedans, ils ont joué aucun rôle. Et en plus, les Français leur avaient piqué le contrat. C'était de bonne guerre, d'ailleurs. Mais je veux dire, ils avaient piqué le contrat en 2016. Alors, de quoi ils viennent se plaindre? Non, mais c'est insupportable, vous assurez ça. Porovitch, tu voulais prendre la parole? Oui, bah... Alexis l'a dit, mais oui, il faut quand même souligner l'hypercorruptibilité des dirigeants français, quoi. Tant les politiciens que les hauts fonctionnaires, c'est une catastrophe, et ils sont réputés pour ça à l'international. Il y a un antipatriotisme chez les élites françaises qui vraiment est délirant, quoi. Ouais. Ces gens-là vendent leur pays pour un Mars et un paquet de chewing-gum. Non, j'exagère, c'est pour plusieurs millions, mais des putes, c'est vraiment... Je ne sais plus quel grand décideur ou quel grand politique disait « On a nommé la garde au FMI parce qu'au moins avec les Français, on sait qu'ils vont pas jouer pour leur pays, donc ils vont être neutres. » Voilà. Bon. C'est comment voulez-vous gagner des deals ou gagner quoi que ce soit, sachant qu'en interne, les mecs jouent contre le pays. On ne peut rien gagner comme ça. C'est impossible. On perd à chaque coup. Faire Alstom et tout ça. Excuse-moi, Alexis. C'est pour ça que quand Gandalf parle de la dissolution de la France, moi, j'ai envie de dire, mais ça bon le champagne. Parce que si ça peut nous libérer de ce système, de cette république, de cette démocratie de merde et des élites qui vont avec, et bah, tant mieux. Et on remplacera ça... par un grand duché de Bourgogne et pourquoi pas un nouveau duché de Bretagne. Mais de toute façon, n'importe quoi, sauf ceux qu'on a à l'heure actuelle. J'aimerais bien l'Empire romain, mais c'est visiblement pas au programme. Bon. On va me le reprocher, hein. On va me dire que je suis germanolâtre en défendant l'Empire romain. Mais bon, Alexis. Ah, Charlemagne était quand même un des précurseurs hein, de l'Europe unifiée. Donc. Qu'on ne me dise pas que Charlemagne n'était pas français. Quoi. C'était un sale... Ah si, c'était un sale boche. Oui, mais pour moi, c'est un français. Hein, Charlemagne est français. Mais est-ce que les Français sont pas des sales boches, au fond hein, Les vrais Français, oui. Il est temps de foutre dehors les Français, hein, moi, je pense. Bon, le mot France vient de Frankreich, l'Empire des Francs. C'est un mot voilà. Allemand. Une colonie allemande, la France. Je l'ai toujours dit, ça. Voilà. Foutez ça dehors. Dehors avec les Allemands. Alors bon, là, la France hors de France. Qu'on en termine. Voilà. Ah ouais, oui, ils sont en train de le faire. Hein. La France aux Algériens, bordel de Dieu. Un peu de patriotisme. Ouais, non mais... Un jour, il faudra vérifier les comptes en banque personnels des Le Drian, des Macron, suite à l'affaire Alstom, suite aux différentes ventes des joyaux de la couronne. Je crois que les comptes en banque doivent être très bien garnis. Combien touche Macron de Pfizer quand à chaque fois qu'il nous vend et nous dit « Vaccinez-vous une deuxième, une troisième dose », combien est-ce que lui, personnellement, touche là-dessus, à mon avis je crois qu'il y a un journaliste d'investigation américain, Sobiec ou Poboziek, je ne me souviens jamais, avait commencé à lancer ça sur Twitter, qu'il avait découvert le nom d'un compte en banque aux Caraïbes, aux Caïmans, je crois, au nom d'Emmanuel Macron. Bah, évidemment, c'est que ce qu'il avait affirmé, je n'ai pas les moyens de le vérifier. Mais... Alors, si tu veux vérifier des comptes en banque, je te prédis une vaccination quelque peu malheureuse. Vaccination en 9 mm dans la nuque. Non, mais un pas bon moyen de rejoindre le royaume des cieux. La française est trop occupée, vous savez, il y a des affaires de faux attachés parlementaires à dénoncer, c'est quand même beaucoup plus important. Quoi. Ah bon, c'est quoi ça? Je suis pas au courant. Là. C'est quoi ça encore c'est... Oh, c'est récurrent ça, c'est contre le FN. Le FN Non, mais c'est la presse, la presse très subversive française, comme le canard enchaîné, vous voyez, le contre-pouvoir. Ouais, enfin bon, il y a des gens qui demandent vraiment à se faire taper dessus aussi, entre nous soit dit. Mais oui, non, c'est dérisoire, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, donc la République, la démocratie... Non mais... C'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Il n'y a pas de vision géopolitique, si vous voulez. Puis là, on est là avec nos trucs, là, nos beans, nos machins, nos vaccinations. Ça fait rêver, ça, la vaccination. Ah oui, non, mais c'est clair. De toute façon, les mecs ne croient plus en rien. Qu'est-ce qui leur reste comme valeur? L'antinazisme, c'est à peu près tout. Le problème, encore, c'est sans allant. Hein. Anti-machin, c'est pas une valeur positive, ça crée rien, ça. Tu peux pas que te définir en négatif. Exactement. Ça ne mène nulle part, et d'ailleurs, ça ne marche plus. Exactement. Non, on est dans notre hiver, là, en Europe, et ça ne va pas, et... Mais Mais tant mieux, enfin, de toute façon, il faut que la France se désimpérialise, se ré-européanise, réintègre sa dimension européenne, terrienne, continentale, parce qu'en fait, c'est pas du tout la mentalité française, hein. D'où d'ailleurs Vous savez, on en avait parlé dans l'émission d'ailleurs, d'où vient cette racine négrificatrice en France, d'où ça vient exactement? Parce qu'en fait, ça n'existait pas il y a un siècle. Hein. Ce culte là du nègre. Non, non, en fait. Si. Alors ça, laisse-moi te dire, mon petit cœur, hein, que déjà, sous Louis XVI, il y avait ces problèmes. Parce que Louis XVI, il avait fait passer des édits pour empêcher, ce qu'il voulait absolument empêcher les bourgeoises et les avec les nègres affranchis. Parce qu'il y avait un problème en France avec une loi, j'ai plus les textes, mais je ne sais plus quelle loi, qui disait que tout homme qui posait le pied en France, quel que soit son statut, était un homme libre. Donc du coup, d'un point de vue juridique, ça veut dire qu'un nègre qui posait le pied en France, même s'il était esclave, devenait de facto un homme affranchi, un homme libre. Et tu avais dans les sphères bourgeoises françaises, donc déjà au XVIIIe, sous Louis XVI, des gens qui s'amusaient, hein, dans leurs salons, que ce soit à Paris, que ce soit à Bordeaux, à Nantes, à fréquenter des nègres affranchis. Hein, en compte, les bourgeoises ne se maquillaient pas officiellement avec. Et c'est pour ça qu'en fait, dès le XVIIIe, on a quelques milliers d'individus, environ 5000, qui font déjà souche, permettez-moi l'expression. Hein. C'est un problème qui est très profond et ça dénote aussi une incapacité du pouvoir royal à, contrairement à maintenant, à véritablement régenter, à véritablement contrôler la vie, ce que faisaient les gens à l'époque, quoi. Et il y avait vraiment une opposition très nette entre ces bourgeois-là et Louis XVI. Alors même si on parle que de des milliers de personnes, hein, blancs comme ça qui s'amusent à faire ça, quoi. Mais déjà là, les prémices de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pour ça que souvent je parle du principe de précédent juridique et précédent historique, c'est-à-dire qu'avec cette épisode-là, avec Alexandre Dumas et Toussaint Louverture, on te dit oui, mais finalement, Toussaint Louverture, Alexandre Dumas, Joséphine Baker, 40 millions de Sénégalais chez nous, c'est pareil, quoi. Tout à fait. Alors, messieurs, à la semaine prochaine. À plus.